Bonsoir et bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. Alors on est ensemble pour 1h30, 2h, comme chaque lundi suivant un Grand Prix, puisqu'il y a eu ce week-end le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola, donc 7ème manche de la saison 2025 de F1. Un Grand Prix remporté par Max Verstappen devant Lando Norris et Oscar Piastri. C'est également le début d'un triplé de course, donc on se voit ce lundi, puis on se verra encore les deux lundis suivants pour les Grands Prix de Monaco et d'Espagne. On est trois ce soir pour débriefer ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Il y a Franck avec moi, ça va Franck ? Salut, bah écoutez, oui, ça va très bien. On a eu un Grand Prix d'Imola qui était peut-être le dernier, hein, on ne sait pas encore, et qui était pourtant, pour une fois, assez sympathique sur le sec. C'est vrai qu'avec Manu, on discutait, on se disait que c'est quand même pas mal qu'il y ait un peu de pluie le dimanche pour pimenter un peu la course, parce qu'on sait que c'est pas facile de dépasser. Puis finalement, les effets de course ont fait qu'il y a eu un petit peu d'animation, et puis un vainqueur inattendu, à part pour une personne dans ce chat, mais on lui laissera la joie de l'annoncer. Mais bah écoute, c'est super Grand Prix, moi j'ai bien aimé, et puis voilà, Max Verstappen qui nous a fait quelque chose de grandiose pour une fois au départ, on va en parler et débriefer tout ça. Exactement, oui. Même moi je n'aurais rien à dire, et il y avait Alex avec nous pour débriefer ce Grand Prix. Ça va Alex ? Ça va, oui, on est presque un peu déçus qu'Imola quand même disparaisse du calendrier, parce que c'était un vrai circuit old school. On a évidemment, c'est une piste où il est très complexe de dépasser, mais on a pris beaucoup de plaisir, il y a toujours des gens en bord de piste. On n'a pas eu besoin des C6 pour pimenter la course, puisqu'on y reviendra, mais ça a été un beau fiasco. Donc voilà, c'est peut-être aussi quelque part une petite page de l'histoire de la F1 qui s'est tournée. Et oui, c'est vrai que c'est un circuit plein d'histoires, et puis effectivement la course n'a pas été... Moi j'avais peur d'une course quand même vraiment très ennuyeuse, et malgré tout, il y a quand même eu des belles choses à voir, donc c'était une belle surprise là-dessus. Alors effectivement, Tsushimaki nous dit Monaco, on peut faire le débrief le samedi soir, sera suffisant. Mais restons quand même, on sait jamais, si la course est sous la pluie, ça peut aussi être quelque chose d'assez fou. Il y a deux arrêts obligatoires en plus, ça peut un peu pimenter pour le coup. En plus, exactement. Donc c'est vrai que ça peut être un Grand Prix de Monaco un peu différent de ce que sont les Grands Prix de Monaco habituels. Bah, il était rapide le débrief d'Imola, dis donc, on est déjà sur Monaco. Bah, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Non, mais évidemment, on va déjà parler du Grand Prix d'Émilie-Romagne, donc 7ème manche de la saison, victoire de Max Verstappen devant les deux McLaren, avec une 4ème place pour Lewis Hamilton, une 5ème pour Alex Albon. Donc on va commencer forcément par Red Bull, avec une victoire donc de Verstappen et une 10ème place de Yuki Tsunoda, qui est parti de la voie des stands. Après un bel accident quand même le samedi, on y reviendra après avoir parlé de Verstappen, mais déjà... on va commencer par le vainqueur, évidemment. Est-ce que, alors, moi personnellement, c'est vrai que je dois admettre que là, ce coup-ci, il n'y a absolument rien à dire sur son départ, hein. C'est-à-dire que vraiment on a une manœuvre parfaite de Verstappen qui reste en piste, qui laisse son adversaire en piste, qui freine plus fort, qui accélère plus tôt, bref tout est parfait, et derrière une très très bonne course et à la fois d'exécution de Red Bull et à la fois de pilotage de Verstappen, avec toutefois des évolutions chez Red Bull qui ont quand même apporté un changement, c'est que les pneus ne se sont pas dégradés, et ça c'est bien la première fois de la saison. Toi Franck, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu penses que cette course peut être le signe d'un retour de Red Bull au niveau de McLaren sur un aspect un peu plus durable dans la saison? Oui, tout à fait. Alors je réponds aussi au moins juste quand même pour saluer le départ de Max Verstappen qui a été absolument grandiose. Je crois que Oscar Piastri, effectivement, comme l'a dit Villeneuve, s'était un peu endormi. Je pense qu'il surveillait beaucoup plus ce qui se passait sur sa gauche que ce que Max a fait sur la droite. Et Max a vu un trou, il s'est engouffré. Et puis, comme les autres pilotes sont fair play, ils cherchent pas forcément à tasser et laissent l'espace. Ça passe. Donc du coup, super départ de Max. Voilà, on s'en y revient pas non plus 14 000 fois. Et pour en revenir effectivement, parce que tu as dit, alors les pneus sont pas dégradés. Ils sont quand même un peu plus dégradés que sur la McLaren, d'après Max en tout cas ce qu'il a dit après dans la conférence. Mais il a aussi dit que effectivement, il y a quand même eu beaucoup de mieux de ce côté-là. Et les évolutions chez Red Bull, effectivement, elles ont été vues comme une percée. C'est Pierre Vacher qui a donné une rare interview après la course, enfin aux caméras de télévision, hein, voilà, c'est assez rare qu'on puisse l'entendre dans les médias. Et ouais, il a salué effectivement ces évolutions-là comme vraiment un bon signe de progrès. Alors au départ, on n'était pas convaincus parce que le vendredi, la voiture était encore un petit peu nerveuse. Mais non, ça va vraiment dans le bon sens. Et du coup, je n'aurais jamais cru pouvoir le dire un jour, mais je suis vraiment content du coup que Max Verstappen puisse revenir un peu en forme dans ce championnat, parce qu'il semblait un peu promis à l'un des deux pilotes McLaren. Et si on a au moins Red Bull qui réussit à remaîtriser un peu sa RB21, au moins dans le sens du rythme de course, parce que tu l'avais déjà très bien dit sur l'émission précédente, en rythme pur sur un tour, Verstappen et la RB21 étaient là. Sur un rythme de course, qu'elle soit enfin là, bah, ça va nous pimenter un petit peu les choses quand même. Horner a d'ailleurs dit que le championnat constructeur, il s'y pensait pas du tout, soyons clairs, je pense qu'ils sont extrêmement lucides là-dessus, donc c'est focus à fond sur Verstappen. Et donc, du coup, ça va mettre aussi McLaren sous pression de devoir décider qui va être numéro 1 au moment ou un autre, donc si besoin. Et d'ailleurs, on en parlera au moment, au moment de la course de McLaren aussi. Donc, ouais, moi, je suis assez, assez optimiste, du coup. Je suis assez optimiste par rapport aux déclarations de Verstappen et de Vacher et de Horner. Pas juste parce que j'ai vu une course où j'ai vu que Verstappen était devant. J'ai surtout dans les commentaires qui ont été faits après la course en me disant, ouais, ça, ils ont fait... une percée, ouais, c'est le mot qui a été choisi par Pierre Vacher, donc j'espère pour eux que ce sera le cas. Voilà, deux mots quand même. C'est... Alors, sur le déplacement de Verstappen, ce qu'on peut noter, c'est que la télémétrie monte. Hein, si on parle de chiffres, il freine 10 mètres plus tard que Verstappen. Verstappen freine 10 mètres plus tard que Piastri. Et il arrive avec un différentiel de vitesse de 30 km/h, ce qui est quand même énorme. Ce qui montre que Verstappen, à la fois, il a pris beaucoup de risques, il a aussi un peu endormi. Piastri était endormi. Donc, autant Piastri avait été plutôt solide au départ dans ses affrontements face à Verstappen, là, c'était l'inverse. Hein. Il s'est fait un peu croquer par Verstappen, qui reste de loin le meilleur pilote sur la grille. Et puis, effectivement, tu as raison de dire que Red Bull avait des évolutions. Moi, j'en ai un petit peu assez de discours qui se met en place, comme quoi Verstappen ferait constamment des miracles avec un tracteur. Non, cette Red Bull, c'est une très bonne voiture. Elle évolue aussi très bien avec ces évolutions-là. Voilà, Verstappen est un immense pilote, c'est le meilleur sur la grille, il n'y a pas de discussion dessus, mais il ne faut pas non plus penser qu'il a la 7e force sur la grille, et parfois c'est presque ce qu'on entend. Une voiture, elle n'est pas intrinsèquement bonne, elle est bonne si elle s'adapte, en tout cas chez Red Bull, au style de pilotage de Verstappen, et elle réussit à s'adapter. Et moi, je n'exclus pas du tout que si McLaren souffre des nouvelles règles sur les ailerons avant à Barcelone, comme Red Bull l'espère en tout cas, à voir si ce sera le cas, mais si c'est bien le cas, eh bien Verstappen pourrait redevenir favori pour le titre, et ça, on ne l'avait vraiment pas vu venir. Ouais, alors il y a une tonne de Max qui dit il n'y a plus grand monde qui tient le discours selon lequel Verstappen ferait tout. Si, il y a clairement beaucoup de monde. Hein, tous les commentateurs français, tous les commentateurs anglophones aussi, beaucoup de journalistes et également dans le public, beaucoup, beaucoup de gens. Ça peut s'expliquer, on a le contraste avec la deuxième voiture qui était. Bien sûr, mais c'est pas nouveau. Et moi, je l'ai déjà dit un paquet de fois depuis le début de l'année, évidemment, la Red Bull était inférieure en rythme de course, mais sur un tour, elle est monstrueuse. Malgré tout, Verstappen fait le taf, évidemment, il fait pas d'erreur, et il a sûrement ce petit truc pour aller chercher les pôles, mais encore une fois, il fait 3 pôles sur 4 sur cette course depuis le début de saison. Il en rate une à 34 millièmes ce week-end, la voiture est loin d'être mauvaise. Et là, maintenant qu'elle a la tenue des pneus, même s'il dit que c'est moins bien que les McLaren, on a vu qu'en fin de relais, il était plus rapide que les McLaren. Donc ça montre quand même qu'il était capable d'en garder sous le pied. Clairement, ça a fait une voiture qui est au niveau de la McLaren aujourd'hui. Et puis deux remarques aussi. Verstappen, il a vraiment insisté dans la conférence de presse sur les caractéristiques du circuit. La Red Bull, elle est très bonne, en gros, dans les virages à haute vitesse. Donc autant dire qu'à Monaco, ça risque d'être très difficile, comme les années précédentes. Et qu'à Silverstone, ça risque d'être très bon. C'est ce que dit Camion Lubrifiant, histoire d'avoir un circuit représentatif à Barcelone. Et ça, c'est vrai que ça revient souvent, un circuit représentatif. Mais moi, j'ai envie de dire, avec la multiplication des circuits urbains, est-ce qu'il y a encore des circuits représentatifs en F1? Moi, j'en suis pas si convaincu, il y en a de moins en moins. Donc les circuits représentatifs, en fait, est-ce que ce serait pas des circuits urbains, enfin des circuits atypiques? Il y en a plein. L'Australie, même le Canada, c'est atypique. Enfin voilà, il n'y a plus vraiment des circuits représentatifs. Donc ça, à mon avis, c'est une expression qu'il faut revoir avec l'évolution du calendrier de la F1. Et surtout, à l'époque, Barcelone était la base d'essai de toutes les équipes, où elles passaient une chier de journée et faisaient des milliers de kilomètres par an. Aujourd'hui, Barcelone, ils vont même plus en essai, ils iront sûrement l'an prochain. Parce qu'il y aura beaucoup d'essais hivernaux, mais ces dernières années, ils n'y vont plus. Et en fait, Barcelone n'est plus du tout... Je dirais que s'il y a un circuit représentatif, clairement, c'est pas Barcelone. Effectivement, ça peut être un circuit urbain, ça peut être... C'est un circuit technique, en tout cas, pour aider à comprendre une voiture. C'est un circuit assez diversifié. C'est vrai qu'il y a des virages lents, des virages rapides, mais il y a beaucoup de circuits représentatifs. Il y a beaucoup de circuits comme ça aussi, maintenant, au calendrier. Et effectivement, je pense que, typiquement, dans ce qu'on a eu... Xoan dit avec humour, Vegas c'est représentatif, mais si le calendrier F1 continue comme ça et que les circuits urbains, à force, oui. Bah c'est ça, hein, Vegas, Jeddah. À Vegas, c'est super fort, mais... à Vegas, c'est super fort partout. Après, pour en revenir sur la Red Bull aussi, il faut quand même noter qu'elle a un petit peu les qualités qu'avait la Ferrari il y a 2 ans ou 3 ans, qui jouait les pôles, mais qui était nulle part en course, en fait. Et d'ailleurs, Ferrari, maintenant, a vraiment switché, carrément, c'est vraiment l'inverse. Donc, en fait, ce qu'il faut réussir à faire, c'est d'avoir la double qualité. Et c'est ce sur quoi Red Bull est en train de travailler. Donc, c'est bien d'avoir la performance pure. Pouvoir étaler effectivement la performance sur le long terme, c'est quand même toujours un peu mieux dans la formule actuelle. Maintenant, je ferai attention à ce que tu dis, Manu, par rapport aux pneus, parce que Verstappen dit quand même qu'il a plus dégradé. Je pense qu'effectivement, il est quand même constaté derrière. Et je pense pas que les McLaren, quand elles ont vu que Verstappen s'était échappé devant, elles aient forcément attaqué plus que de raison en fin de course. Donc c'est pas forcément un bon indicateur. Voilà, puisqu'on savait très bien que Norris pouvait pas aller chercher Verstappen. Norris a déjà dû aller chercher Piastri qui était en pneu usé. Donc voilà, si Verstappen dit qu'il était quand même un peu plus usé, j'ai quand même plus tendance à le croire. Et ce serait logique aussi, parce que je pense pas qu'en un seul package d'amélioration, Red Bull ait réussi à tout rectifier. Mais voilà, en tout cas c'est sur la bonne voie. Et je précise dans le chat, Tsunoda avait bien toutes les évolutions aussi. Voilà. Oui. Ce qui d'ailleurs a beaucoup ennuyé Marco, puisqu'il a quand même envoyé tout un jeu de nouvelles pièces à la poubelle avec son crash. Le problème, c'est qu'il n'avait pas compris, mais il n'avait pas besoin de refaire un crash test pour les évolutions, en fait. Du coup, c'est un peu dommage. Mais, surtout à Imola. Hein. Mais non, moi, il y a 30 ans hein, maintenant, il y a prescription. Pour après, c'est un problème parce que le département de production de Red Bull souffre toujours des conséquences du crash au test hivernaux de Gasly. Bah oui, c'est ça. Ils ne peuvent pas, selon Dr. Marco, en tout cas, rattraper leur retard. Je ne sais pas s'il va encore régulièrement engueuler Gasly pour ça ou pas. Mais non, moi, je maintiens mon avis quand même sur les pneus, dans le sens où même au premier relais en pneu médium, il dure quasiment la moitié de la course chez Verstappen, et de toute façon il garde un rythme aussi bon que Norris. Donc pour moi, vraiment, la dégradation, alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est, après ça peut être aussi le circuit, un espèce de mélange de conditions qui font que le circuit a aidé. C'est vrai que c'est pas l'asphalte le plus abrasif non plus, Imola. C'est pas le circuit qui est réputé pour être... Pas le plus abrasif quand tu vois que les C6 ils tiennent 2 tiers de tour. Je pense que les C6, c'est à mon avis, des enfoirés. Mais on va voir ça. La piste était chaude, mais si la voiture les mettait bien en fonctionnement, tu vois, en ayant l'air propre devant. Mais moi, j'ai tendance à vraiment penser quand même que, en tout cas, que la dégradation n'était pas plus mauvaise ce dimanche. Après, effectivement, ce sera à voir dans les autres circuits, et de toute façon, pas à Monaco, puisque Monaco, il n'y a pas vraiment de dégradation des pneus, mais par contre, la Red Bull risque d'être un peu plus en souffrance. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est quand même aussi, juste pour, bon, on va en parler des C6, je sais pas à quel moment, mais parce que là on évoque le sujet, je pense que les C6, effectivement, on a vu quand même qu'on pouvait signer un deuxième tour très rapide avec. Je pense qu'il y a peut-être une question de rodage un petit peu quand même de pneus qui n'avaient pas testé, en fait. Peut-être faire un premier tour pas trop appuyé, histoire de combattre le sous. En fait, c'est du sous-virage sur l'avant qui apparaissait, c'est ça qui limitait les pilotes. C'est pour ça que d'ailleurs certains du coup se sont qualifiés en médium derrière. Mais je suis pas sûr qu'il soit autant foiré que ça. Peut-être qu'effectivement, dans la volonté de tenter des choses, et bravo à Pirelli de le faire, c'était un cran trop tendre pour Imola, puisqu'on a quand même vu que des stratégies à 2 arrêts fonctionnaient. Donc voilà. Bon, un peu par la force des choses aussi, hein. Voiture de sécurité virtuelle, tout ça. Oui, exact. Bon, merci Comtesse Dani qui s'est abonné à la chaîne. Vous pouvez toujours vous abonner pour nous soutenir, évidemment, puisque en plus on fait pas mal d'émissions enchaînées là, ces temps-ci, donc il n'y aura pas de... N'hésitez pas, ça nous aide évidemment à faire du contenu. Cyclo-Exam me demande si c'est la première fois qu'on voyait les C6 à Imola. Oui, c'était la première fois qu'ils étaient testés, et ça a été un peu confus, effectivement, ce test. Alors c'est vrai qu'après j'ai l'impression que Verstappen a dit que lui dans son tour qualif il a au premier secteur c'était fini, les pneus étaient en surchauffe, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'au moindre écart de comportement des voitures c'était fini quoi. Donc c'est un petit peu compliqué de savoir ce que ces C6 valent vraiment. Après le problème c'est que là de toute façon on va rentrer sur des courses chaudes et ça va pas aider non plus à le mettre en température, et puis on... Ça va pas être d'autres équipes, on verra rester là-dessus avec Mercedes notamment. On verra Monaco, hein. Ça peut être intéressant. Si on a un C6 qui enfin arrive à s'épuiser à Monaco, oui. Ça serait quand même pas mal. Ouais. Bah, tant mieux, ça peut être bien. De toute façon, il y a 2 arrêts obligatoires, on l'a déjà dit. On se retrouve avec 4 arrêts finalement. Et donc, on va quand même peut-être parler. On va quand même peut-être parler un petit peu de Yuki Tsunoda. Qui nous a gratifié du plus gros accident de la saison pour l'instant, et puis peut-être probablement d'un des plus gros crashs depuis 2-3 ans, hein, depuis Guanyu Zhou notamment à Silverstone. Mais c'est vrai que c'est rare de voir une voiture qui se retourne. Alors moi j'ai un petit euh, j'ai une petite critique à faire déjà, c'est les graviers. Hein. Tout le monde en veut, tout le monde dit c'est bien et tout ça. C'est vrai que c'est bien, mais quand une voiture sort, en fait, il faut que les graviers soient faits intelligemment et on ne peut pas avoir un bac à gravier qui soit creusé comme ça et que quand il se termine, ça fasse une espèce de bosse d'herbe parce que c'est vraiment ultra dangereux. L'IndyCar s'en était rendu compte à la fin des années 90, parce que ça avait tué un pilote, hein, littéralement. Et là, je pense que c'est un rappel à l'ordre que un tel setup, en gros, d'avoir des graviers puis une bosse, c'est le parfait condition pour avoir une voiture qui finit dans un grillage et donc des pièces de voiture potentiellement qui finissent dans le public. Donc j'espère que les circuits vont se remettre un petit peu à jour là-dessus, parce que même si j'aime beaucoup le gravier, on voit ce week-end ça fait énormément de dégâts entre guillemets, les pilotes ont vraiment, ça a coûté cher dès qu'ils sortaient et tout ça, c'est très bien, mais il faut pas que ce soit aux dépens de la sécurité, et là pour moi quand c'est mal fait comme ça, ça l'est. À part ça, voilà, Tsunoda, c'est pas une très grosse erreur. Il dit c'est une erreur débutant, il a trop voulu en faire, et c'est vrai que c'est en début de Q1, donc il aurait peut-être pu attendre un petit peu avant d'attaquer. Mais c'est pas la pire des erreurs qu'il ait faite. Il prend trop le vibreur, ça déséquilibre la voiture, et ça la renvoie vers ce bac à gravier où il sort rapidement, et ça, après, c'est le gros choc. Quoi. Après, il a dit qu'il voulait pas jouer le héros. Moi, je suis désolé, quand on est Tsunoda avec la RB21, on est quand même obligé d'attaquer, parce que même en Q1, parce que le plateau est tellement serré, tu peux pas. Après, c'est vrai qu'il a été un peu trop franchement sur le vibreur, clairement, à l'intérieur, c'est ça qui le déstabilise complètement et l'envoie tête à queue. Mais non, pour moi, il a eu raison d'attaquer. Enfin, il peut pas rouler à 99% avec la RB21. Verstappen, lui, il peut, sans problème. Ça passe la Q1, ça passe même la Q2 sans problème à 99%. Tsunoda, 99,9, pour l'instant, on sait pas si ça passe la Q1 peut-être, mais la Q2, des fois, c'est pas sûr. Oui. Et au mieux, il se qualifie fin de Q3, quoi. Donc et on peut pas calculer, de toute façon on sait jamais, un drapeau rouge derrière, autre chose, il faut signer un temps assez rapidement, voilà. Mais c'est sûr que bon, là c'est même pas une question d'attaque, moi je trouve que c'est clairement plus une question de manque de juger, ouais, de précision, ouais. Je pense du coup de volant là, parce que là c'était tellement franchement sur le vibreur par rapport aux autres passages, je pense qu'il a juste il devait peut-être pas s'attendre à avoir autant de grippe à l'avant et que ça tourne peut-être autant sur la gauche que voilà, parce qu'il roulait avec les C6 là aussi du coup, donc beaucoup beaucoup de grippe. Voilà, bon, ouais, ça arrive, c'est ouais, bah, après, c'est comme classique, ça. Parce que je vois Milton Lemax qui dit les conséquences pour un léger déséquilibre, on peut demander si c'était pas un C6 qui avait lâché, mais en fait c'est qu'il rentre trop vite sur le vibreur et après la voiture décolle un peu et ça délaisse l'arrière, hein, tout simplement, c'est le coup classique du transfert. Si ça avait lâché, il serait parti en sous-virage, il serait allé plus loin dans la chicane. Ouais, voilà. Il aurait pas eu autant de grip, il aurait pas eu autant de train avant, il aurait pas tourné vers le vibreur. Ou si c'était à l'arrière, le train arrière serait parti tout seul, il aurait fini dans le bac à gravier en face, quoi qu'il arrive. Donc non, c'est vraiment, là, on sent vraiment que c'est lié au grip et lié au délaissage de la voiture sur le vibreur. Par contre, oui, voilà, donc c'est vrai qu'un énorme carton quand même, hein, ça a été assez impressionnant. Il y a eu pas mal d'accidents, on y reviendra après au fur et à mesure des équipes, mais voilà, c'est vrai que ça a été pour eux, en plus il a fallu changer la cellule de survie, donc c'est ce qui a fait le départ des stands, mais de toute façon c'est pas grave, hein, il était dernier quoi qu'il arrive, et puis il a fallu changer tout le moteur, ça fait des éléments moteurs en moins, voir ce qu'ils arriveront à sauver, mais là ils n'ont pas pu réutiliser le même moteur pour la course, donc ça c'est aussi un problème pour la suite de la saison, si jamais il y a des pièces vraiment totalement cassées, et puis voilà, donc c'est... Il a quand même réussi toutefois à remonter en course et marquer un point, donc ça c'est pas mal, beau rythme de course, il a été plutôt, il a bien, comment dire, bien profité des faits de course, mais bon voilà, c'est quand même un petit peu short je trouve sur un circuit qu'il est censé connaître, et c'était bien encore une fois en EL2 je crois, il était vraiment à un dixième de Verstappen, et puis après au fur et à mesure du week-end, quand Verstappen accélère, lui il a du mal, et là quand Verstappen a trouvé l'équilibre avec la voiture, lui il l'a pas trouvé, donc... Après, reste à voir si, voilà, on va pas enterrer Tsunoda au bout de 5 courses, on va pas être aussi court-termiste que le son Red Bull quand il juge un pilote, mais c'est vrai qu'on attend un petit peu mieux, surtout ce qu'il avait montré sur les premières courses, on attend un petit peu mieux de Tsunoda, mais en même temps, ce serait pas le premier. Il connaît bien la piste d'Imola. Hein. C'est ça. Il a beaucoup tourné avec AlphaTauri, mais ce serait bien, et puis Racing Bulls, mais ce serait bien, voilà, que, enfin, ce serait pas le premier, du moins, à connaître des bons débuts et puis ensuite à se perdre un peu dans le stress, dans la pression, dans le manque de solutions avec la voiture. Donc il faut espérer pour lui que ça va pas être le cas. Alors après voilà, Monaco en plus c'est pas forcément le circuit qu'il apprécie le plus. Non. Donc alors il faut savoir Monaco, les deux dernières éditions, la deuxième Red Bull était éliminée en Q1 suite à un accident ou un mauvais chrono. Hein, donc, Autant pas y aller tout de suite. Hein. Je garde les pièces. Et l'an dernier, la deuxième Red Bull a fini dans le mur à Beaurivage aussi. Donc, voilà. Vu à quel point ils seront peut-être pas compétitifs à Monaco, c'est sûr que l'avantage, le risque-avantage de pas aller à Monaco, ils se discutent pour ce moment-là. Ah oui, non, c'est clair que si Verstappen se qualifie à peine dans le Q3 parce que la Red Bull est trop mauvaise, je pense pas. Mais si c'est à peu près le niveau, on va dire à Tsunoda, tu fais ton tour et basta, quoi. Mm. On va pas sacrifier encore d'autres pièces. Hein. Là, il y a tout un jeu d'évolution qui est parti à la poubelle quand même. Donc, ouais. Ça, c'est sûr. Mais au moins, bon, le crash test s'est passé avec succès, donc c'est déjà ça. non, mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors, si Cluxan dit même avec une erreur qui le laisse en Q2 avec son rythme de course, je pense qu'il jouait P7, P6 sans trop de soucis. Oui, c'est certain. Hein. Je pense qu'il était pas loin du top 5. La Red Bull, encore une fois, était rapide et lui a pas été mauvais en course. Donc, il y avait de quoi mettre un petit peu plus de points. Et Étoile Polaire dit qu'il faudrait quand même que Red Bull se rende compte qu'ils ne mettent jamais leur second pilote dans le confort. Ben ça, je crois qu'à part eux, tout le monde le voit. Hein. C'est vraiment, il y a juste eux qui n'ont pas trop l'air de s'en inquiéter. Mais bon, c'est comme ça. Il faudra attendre Lily Verstappen pour ça. C'est ça. Il remplacera son père. On va passer à McLaren, puisque McLaren fait un double podium. Lando Norris termine deuxième, Oscar Piastri troisième. T'as l'air de dire ça comme si c'était un super résultat. Moi, je suis con. Bah, il marque 33 points, il fait un double podium, c'est pas dégueulasse. Franchement, il y a pire. On peut pas se réjouir quand on est McLaren et qu'on a une telle voiture. Mais bon, après, c'est pas. Je pense que. Bah ouais. Ouais, non, mais c'est sûr. Cache ta joie, c'est tout. Non, moi, je suis content. Le plan se déroule bien pour l'instant. Je m'inquiète pas trop de Verstappen. Je pense que la Red Bull sera pas tout le temps aussi à l'aise non plus. Et puis voilà, il fera pas toujours des premiers virages où il envoie pas quelqu'un dehors, donc finalement ce sera pas un drame niveau résultat. Non, plus sérieusement, voilà, McLaren ça a été pas mauvais. C'est vrai que ils ont été confrontés à une possible décision stratégique qu'ils n'ont pas souhaité, dans laquelle ils n'ont pas souhaité intervenir. Alors est-ce que, alors moi j'étais sur le moment, j'étais très, j'en ai parlé, enfin on en parlait un petit peu en coulisses, j'étais un peu à me dire qu'ils étaient juste pas, enfin ils avaient pas envie de gagner, en gros ils voulaient pas laisser Norris passer. Et Andrea Stella a dit lui que ils ont estimé que si Norris avait les moyens d'aller chercher Verstappen, il aurait les moyens de se défaire de Piastri rapidement, puisque Piastri avait des pneus usés de plus de 20 tours, en gros, enfin de quasiment 20 tours. Par rapport aux 9 de Norris. Toi, Alex, est-ce que tu penses qu'ils auraient dû faire une consigne ou est-ce que tu penses que la logique de Stella est la bonne? Bah, est-ce que l'objectif, c'est d'aller chercher Verstappen? Donc, le plus logique, ça aurait été de faire la consigne. Hein. Pour moi, ils sont tétanisés à l'idée de favoriser un pilote ou un autre. C'est ça le problème, tétanisés à prendre des décisions fortes. Hein. C'est les fameuses papayas rules. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, hein, de manière très concrète. Moi, je pense que voilà, ils sont encore dans leur optique, ont préservé une compétition équitable entre les pilotes par peur d'une guerre interne ou par peur de favoriser un pilote ou un autre, prend le dessus sur le fait de remporter un Grand Prix de Formule 1. Et pour moi, c'est un problème parce que Verstappen, c'est un chien, il lâchera jamais. Et 7 points, même plus 14 en fait, avec la différence, ça peut clairement faire la différence pour un titre mondial. Donc pour moi, ils sont toujours assez pusillanimes et tatillons. Voilà, toujours assez hésitants, ils ne prennent pas assez de risques. Et, sont relativement trop conservateurs. Alors, et quand ils ne le sont pas conservateurs, c'est pour prendre une mauvaise décision de type replonger Piastri dans le trafic. Donc moi, je ne suis pas trop d'accord. C'est encore un Grand Prix que McLaren aurait dû remporter. Et ça n'a pas été le cas. Donc c'est encore des points perdus pour eux. Et Norris avait fait une très belle course. Il avait un rythme de course qui était un peu meilleur que Verstappen, un peu. Donc voilà, il y avait vraiment une logique à ce que Norris aille tenter d'aller chercher Verstappen, quitte à la limite, si c'est possible encore, rendre la place à Piastri, si Piastri était troisième, même avec des pneus moins frais, mais c'était la logique sportive. S'il y avait eu des stratégies différentes, McLaren aurait tout de suite demandé à Piastri de laisser passer Norris. Donc moi, je n'ai pas trop compris cette décision, et voilà, ils sont tétanisés. Le symbole, c'est aussi Norris qui rentre un tour avant la voiture de sécurité virtuelle, hein. Donc là encore, pourquoi pas ne pas avoir prolongé le relais alors que les chronos étaient très, très efficaces et qu'on voyait que le pneu dur n'était pas top sur Piastri. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à jeter. Et je me demande s'ils ont pris une seule bonne décision. Ah, t'es violent. Non, mais je suis pas forcément, enfin je suis pas forcément opposé à ce jugement en plus. Non, moi juste quand même, je mets une première grosse faute évidemment à Piastri pour son départ quand même, parce que bon, c'est pour moi c'est, on va parler de faute professionnelle, mais pas loin quand même, parce que là c'est à force de, à surveiller, faut surveiller à gauche et à droite, et quand on freine, bah, je suis désolé, il faut y aller franco, hein, donc. Quand on voit ce que Verstappen a pu sortir, c'est qu'il était très très loin des limites de la voiture. Et pour ça, Verstappen, il est toujours excellent de pouvoir juger effectivement des limites avec un pneu froid au premier tour, au départ, jusqu'où ça peut passer. Piastri, il avait énormément de marge, puisque voilà, il a pu freiner, laisser passer Verstappen. Et encore, il ne le gênait pas en allant le pousser vers l'extérieur. Donc voilà, là, déjà, là, la course se perd, à mon avis, ici, au moins pour Piastri déjà. Je parle même pas de décision effectivement de McLaren de le faire arrêter aussitôt. Pour moi, c'était une aberration totale. Quand on sait à quel point, malheureusement, pour les grandes équipes, puisque que toutes les équipes derrière, elles sont maintenant très très proches. Donc du coup, le peloton s'étire quand même difficilement en beaucoup de temps. Donc voilà, quand vous rentrez au bout de 12-13 tours, ben, vous retombez à la 12e, 13e, 14e place. Alors qu'avant, vous retombiez peut-être à la 6e ou la 7e. Hein. Ça fait une énorme différence. En plus, après, quand vous avez une voiture de sécurité virtuelle, en tout cas la première qui intervient, qui aide ceux qui sont pas rentrés derrière, ben forcément, ça vous aide pas non plus à reprendre vite des positions. Donc là, ouais, effectivement, en termes de stratégie, je vais pas redoubler sur ce qu'a dit Alex là-dessus. Il y avait des choses à revoir. Maintenant, sur le coup de la consigne, qui est quand même le gros point de discussion. Et qui de toute façon est le point névralgique d'achoppement auquel à un moment ou à un autre ça va ou clasher ou faire voilà, ça va faire exploser toutes les sensibilités dans les médias, dans les fans et ça, il va poser une consigne. Est-ce que là c'était le bon moment pour poser la consigne? La question se pose. Je suis pas certain effectivement que les McLaren avaient le rythme pour aller choper Verstappen, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que McLaren n'a pas pris la décision d'imposer une consigne là. Je pense pas qu'ils le disent pas publiquement. En gros, ils disent ouais, effectivement, si Norris aurait pu dépasser Piastri plus facilement, il aurait prouvé qu'il aurait pu aller chercher Verstappen, sauf qu'il l'a pas fait. Et je pense que ils savaient inconsciemment qu'il aurait pas le rythme pour aller le chercher. Que du coup ils ont dit on va garder notre joker, consigne qui dérange, grosse polémique entre nos pilotes, grosse tension et tout ça, pour quelque chose de plus qui le mériterait plus. Je pense qu'il y a aussi un peu un calcul comme ça, je pense, en termes de décision, parce qu'à un moment ou un autre, cette décision là il faudra la sortir, c'est clair. Surtout si Verstappen continue à regratter des points parce que la RB21 devient meilleure. Je pense que là ils se sont rendus compte assez vite que ça pourrait pas le faire, hein, pour aller et rattraper Verstappen et ensuite le dépasser aussi. faut pas oublier ce détail là, on était sur le sec, hein. Donc aller dépasser un Verstappen avec une voiture qui est à peine meilleure, comme il le dit, hein, Stella, c'était il faut au moins 7 ou 8 dixièmes de seconde d'écart, ils y étaient pas. Donc sportivement en fait c'était la bonne décision, parce que sportivement Norris a passé Piastri avec des pneus avec ses pneus plus frais. Et maintenant, voilà. Moi, l'avis clair, c'est que publiquement, on n'a pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que on gâche pas une consigne qui peut mettre mal à l'aise dans l'équipe pour cette situation-là, parce qu'il y a pas de, il y a très très peu de chances que Verstappen soit doublé par Norris au final. Voilà. C'est ma raison pour laquelle je pense que ça n'a pas été pris. C'est bien possible. Moi, alors c'est vrai que c'est possible ce que tu dis, qu'ils attendent d'avoir un besoin d'une grosse consigne pour en donner une. Moi, je me demande aussi si ça fait plusieurs fois qu'ils parlent d'un accrochage inévitable, et je me demande s'ils veulent voir lequel va ne pas être team player en premier pour favoriser l'autre ensuite. Mais Piastri était hyper team player vers Verstappen, hein, sauf que c'était pas la même équipe. Effectivement, c'est vrai qu'il a été très très docile, mais ça n'a pas fonctionné. Non, mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression qu'il y a cette volonté chez McLaren de laisser voir et de voir lequel fera le move un peu sale en premier. Mais bon, en tout cas, il risque de perdre du temps et des points. Alors après, c'est un débat qui est quand même assez compliqué, je trouve. Et d'ailleurs, ça fait pas mal de débats dans le chat aussi. Milton Lomax nous dit « Je ne comprends pas cette nouvelle mode de vouloir tout le temps des consignes. Il reste 17 courses. Ils sont rivaux pour le titre. Il n'y a pas lieu de donner des consignes. » Et Milton Le Cire dit « Stella et Brand ne sont pas dignes de leur rang. Évidemment que les consignes auraient dû être données. Comme l'an dernier, il manque d'autorité. » Donc on voit que le... Oui, ça divise. On voit que ça divise. Et je ne sais pas comment on dit consigne. Est-ce que ces consignes, peu importe les circonstances de course, c'est tel pilote qui finit premier et toi t'es Barrichello? Ou est-ce que s'il y a des circonstances de course différentes de stratégie, etc., Là, voilà, la consigne, ça veut... est-ce que c'est quelque chose qui dure sur toute une saison ou qui dépend des circonstances de course? Ça dépend comment on entend le mot consigne. Oui, non, c'est sûr, mais après, c'est vrai que effectivement, ça aurait pu leur apporter du temps, mais je crois quand même pas. La Red Bull était vraiment très rapide et je Non, m'attends mais on peut que ça. tenter. Ouais. Mais Voilà, ils on auraient va pu tenter, tenter. effectivement. Oui. Après, c'est vrai que les consignes en début de saison, on a longtemps été. Alors, c'est vrai que c'était des consignes un peu plus violentes chez Ferrari, mais donner une consigne à la sixième course de la saison, c'était à l'époque totalement mal vu. Et voilà, et même si effectivement c'est plutôt pour les circonstances de course, je comprends aussi la volonté de McLaren de les dire on tente ça. Après, c'est vrai que l'inconvénient qu'ils ont, c'est que par rapport à Mercedes par exemple, à l'époque Hamilton-Rosberg, ils n'ont pas la marge face à leurs rivaux pour tenter ça. Et d'ailleurs, je tiens à dire que Max Verstappen a dit ce week-end que jamais il n'a eu une voiture aussi dominante que la McLaren ne l'est cette année. J'ai envie de dire, c'est quand même extrêmement drôle pour un mec qui a gagné 19 courses dans la même saison, avec en moyenne 25 à 30 secondes d'avance chaque week-end. Mais bon, peu importe, ça c'est. Ah, c'est pas la voiture qui était dominante, c'est lui qui était dominant. Oui, C'est bien pas. sûr. Voilà. Évidemment, évidemment, c'est vrai que. Mais j'oublie qu'effectivement, il donne toujours à peu près une demi-seconde en plus à la voiture, et puis il arrive à mieux gérer les pneus que tout le monde. Mais enfin, voilà, c'est vrai que cette phrase m'a un peu fait rire. Attends, Franz Herrmann a démontré que pour lui donner n'importe quelle voiture et n'importe quel circuit, il te pète le record du tour. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, il engueule les autres quand il commence à parler des conditions du record. Donc là-dessus, il a eu raison. Parce que c'est vrai que. Ah, bah oui, c'était d'ailleurs, je crois que c'est son seul tweet où il répond à quelqu'un. Oui, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas Il a pas suivi, aimé, il a pas aimé, oui. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le pilote de DTM, Maro Engel, a parlé du record de Verstappen en GT3 au Nürburgring, en disant qu'il avait une BOP qui n'était pas celle du championnat, mais qui était celle du DTM, et que du coup, il avait plus de puissance et moins de garde au sol, etc. Et Verstappen a pris la peine de répondre, parce que ça l'a saoulé. Il a vu le tweet remonter plusieurs fois, et il a fini par répondre en disant quand on ne connaît pas, on se tait. Et il n'a pas tort là-dessus. Donc, Voilà, apparemment, donc. Verstappen, c'est le premier, c'est le meilleur pilote Red Bull. Le deuxième meilleur pilote Red Bull, c'est Franz Herrmann. Qui rend, d'ailleurs, apparemment, remplacera Yuki Tsunoda à partir du prochain Grand Prix. Il fera les deux en même temps, c'est ça? C'est ça. Il y a tellement d'avance qu'il arrête la voiture à la mi-course. Et il pourrait peut-être faire un truc, tu sais, comme à l'époque où ils inversaient les pilotes et tout ça. Ils vont mettre Tsunoda dans une voiture et après, la deuxième moitié de cette course, ils lui donnent avec 40 secondes d'avance et il prend l'autre. Comme ça, ils font un doublé. Ah, 2023, ils auraient pu. Hein. Bah, 2023, ils avaient de la marge. Ouais. En plus, Perez était encore pas trop amorphe à ce moment-là, donc il y avait moyen. Voilà en tout cas pour McLaren. C'est vrai que je pense que, à mon avis, on n'est pas du tout sorti du débat sur les consignes. Et c'est plutôt sympa parce que ça nous fait un bon sujet de discussion. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment énormément d'opinions différentes sur ce sujet, que ce soit dans le paddock, dans l'équipe, hein, parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément aussi d'accord que ça avec cette décision, même si les pilotes pour l'instant disent que c'est la meilleure chose à faire. Même il n'y a aucun ressentiment dans les interviews, mais à mon avis, il y a un moment ou un autre où ça va forcément grincer des dents. Et voilà, c'est intéressant de voir aussi que dans le public et parmi vous notamment, ça divise. On va ensuite parler de Ferrari. Ferrari qui, alors, signe un résultat, ma foi, conforme à peu près à ce qui était le cas dans les courses d'avant. Hamilton termine 4e, Leclerc termine 6e. Pas une mauvaise moisson de pneus, de points, pardon, de pneus matrixés par Pirelli. Toutefois, le week-end a été particulièrement compliqué puisque les deux pilotes de la Scuderia ont été éliminés à domicile en Q2. Ils se sont qualifiés en 6e ligne, 11e et 12e, donc Leclerc et Hamilton. Donc c'est voilà, alors c'est le même schéma que les autres week-ends, hein. Les qualifications ça ne va pas du tout, la course ça va bien mieux, sauf que bah, là ça n'allait tellement pas que ça n'allait pas du tout au point de jouer, pas jouer la Q3 pardon. Et derrière la course a été meilleure, Leclerc a notamment fait un très bon début de course avant d'être pris dans un mauvais timing, on va dire, de neutralisation de course. Et Ferrari, malgré tout, a réussi à bien faire avancer Hamilton et il termine avec une moisson de points de 20 points, ce qui est quand même assez correct, on va dire, pour une équipe qui était qualifiée hors du top 10. Toi, Franck, est-ce que tu tires un peu la sonnette d'alarme pour Ferrari? Tu penses qu'il y a quand même une vraie complication en cours? On a notamment vu Leclerc qui a dit, quand tu lui as demandé s'il était optimiste pour Monaco, il a dit non, un non très appuyé et définitif. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a une crise qui s'installe à la Scuderia? Crise peut-être pas. En tout cas, si c'est une crise, elle est Elle aurait pu être provoquée, je pense. Je pense qu'on aurait eu des titres bien différents dans la presse transalpine aujourd'hui si la course avait été merdique, désolé du mot, pour Ferrari. Or, ça n'a pas du tout le cas. En fait, c'était, voilà, la situation est contraire à ce qui se passe il y a quelques années ou ce qui se passe chez Red Bull cette année. C'est-à-dire que la voiture, sur un tour, elle n'arrive pas à exploiter ses pneus. Par contre, en rythme de course, eh ben, c'était la deuxième force, hein, quasiment entre la deuxième et la troisième force du plateau dimanche. Donc en termes de moyenne, j'ai vu à peu près la moyenne des chronos, c'était presque au niveau de Verstappen et au niveau des McLaren. Donc en rythme de course moyen, c'était là quoi. Donc voilà, il faut réussir à trouver comment exploiter ses pneus sur un tour. Ça doit être possible, mais là du coup il faudra attendre le package d'évolution qui arrivera que à Barcelone. Il faut quand même rappeler que Red Bull a déployé beaucoup d'évolutions. McLaren a déployé quand même pas mal aussi. Ferrari non. Ferrari apparemment ça va quand même tourner autour de la suspension arrière à Barcelone, plus les ailerons, voilà, ceux qui vont être vus pour normalement tout le monde. Ils avaient une nouvelle suspension avant quand même là. Oui, un petit ajustement. Donc en fait voilà, la crise on pourra peut-être en parler si l'évolution de Barcelone n'apporte rien de mieux, quoi. Là c'est clair qu'il faudra essayer de comprendre pourquoi une équipe qui était tellement sur une bonne lancée fin 2024 a autant régressé dans l'exploitation de sa monoplace. En tout cas, on a déjà parlé effectivement du changement de concept sur la suspension avant qui peut expliquer beaucoup de choses. Je pense qu'ils ont appris pendant ces courses-là ce qu'il fallait rectifier, ou ce qu'ils peuvent rectifier en tout cas sans y consacrer trop de moyens, parce qu'on rappelle quand même que tout le monde se focalise sur 2026, donc on va pas sacrifier tout le budget à essayer de corriger quelque chose. Sauf que là, soyons clairs, hein, le titre mondial et pilote et constructeur, il est pas du tout pour Ferrari cette année, donc on va pas non plus y dépenser des milliers et des cents. Donc le but c'est de comprendre. Surtout au niveau de la suspension, parce que la mécanique va être quand même quelque chose de basique, entre guillemets, qui va se reporter sur l'année prochaine, même si le concept aéro sera bien différent. Donc j'ai pas envie de parler de crise, même si on aime bien taper sur la Scuderia en Italie quand ça va pas, on aime bien trouver effectivement des coupables, voilà. Mais pour l'instant, je pense que Frédéric Vasseur est encore assez bien protégé. La belle remontada qu'ils ont fait hier ont aussi prouvé qu'en niveau exécution opérationnelle ils pouvaient être très bons, stratégie aussi, encore des arrêts superbes, hein. Je note quand même qu'il y a eu des arrêts en 2 secondes chrono, ce que McLaren a complètement loupé aussi, c'est vrai, on n'a pas parlé de McLaren, ils ont quand même foiré pas mal d'arrêts. Chez Red Bull c'était revenu à peu près au niveau normal, juste comprendre pourquoi on n'arrive pas à sortir la performance sur un tour, quoi. Et la magie, comme le dit Hamilton, c'est les quatre boudins noirs, hein, aux quatre coins de la monoplace. Et ça peut être clairement lié à la suspension, hein, parce que c'est quand même l'exploitation des pneus, c'est surtout la mécanique. C'est surtout une question de réglage, de géométrie, de suspension, tout ça. Donc, s'ils arrivent effectivement à trouver quel est le secret pour bien les exploiter, je pense qu'il y aura un grand pas qui sera fait. Et si Red Bull a vraiment percé avec sa RB21, comme ils ont réussi à le faire là sur le rythme de course, et que ça se confirme, ça peut prouver aussi qu'avec assez peu de choses, entre guillemets, on peut bouleverser une saison. Et McLaren l'a prouvé d'ailleurs par deux fois, sur deux saisons différentes, qu'on peut vraiment renverser le cours d'une saison avec quelques modifications. Donc j'ai pas envie d'enterrer la Scuderia, de parler de crise ou genre de choses. Voilà, je suis pas journaliste italien en train de. Voilà, même si je suis assez fan de la Scuderia, je suis pas non plus aveugle au point de dire il faut tout jeter. Je continue juste sur un petit point, c'est que voilà, certains ont commencé à reprocher à Loïc Serra d'être le responsable des mauvaises performances actuelles, sauf que Vasseur a très très bien rappelé lors de sa conférence aux journalistes donnée avant le début du week-end à Imola, il y a eu une petite conférence qui a été donnée le vendredi matin, que c'est Enrico Cardile qui l'a fait à 95%. Et Enrico Cardile bosse plus dessus, donc c'est plus une question de concept effectivement à comprendre, à développer. Et Loïc Serra, il fait, en provenance de Mercedes, fait avec les moyens du bord. Parce que il disait, ouais, vous avez recruté Loïc Serra qui a pas réussi à faire fonctionner une Mercedes à effet de sol pendant 3 ans. Est-ce que vous croyez que c'est le meilleur atout pour la suite chez Ferrari? La question a quand même été hyper violente, comme elle a été posée en tout cas en italien, et la réponse de Vasseur, a été aussi assez cinglante. Donc je pense que voilà, Vasseur, c'est pas quelqu'un qui va se laisser faire, comme Todd ne s'est pas laissé faire à l'époque. Et on rappelle que Todd, il a quand même fallu 5 ans ou 6 ans avant que ça commence à vraiment percer. Là, c'est dommage qu'on le sentait, on se disait fin 2024, voilà, 2025, c'est qu'une évolution, tout le monde ne va pas trop travailler pendant l'hiver et tout, puis au final, boum, il y a quand même des choses qui ont un peu changé que ce qu'on croyait. Et donc c'est sûr que ça frustre un peu tout le monde parce que voilà, tout le monde a envie de voir aussi que le Paris Hamilton, voilà, c'est quelque chose de très joli. Personne n'a envie de voir Hamilton. Alors je sais qu'il y a des anti-Hamilton hein, sur les forums, sur Facebook, sur Twitter, même dans le chat, je suis sûr qu'il y a des anti-Hamilton qui se marrent bien. Mais personne, enfin voilà, de quelqu'un de sensé qui aime la F1, personne ne veut voir absolument Hamilton trébucher et prendre sa retraite à la fin de l'année parce qu'il s'est cassé les dents sur le défi en rouge. Non, au contraire. Je pense que tout le monde a envie que cette belle histoire réussisse aussi et qu'on voit tous ces pilotes-là se battre les uns avec les autres. Donc voilà, pas de crise pour moi pour l'instant. Attendons de voir les évolutions de Barcelone. Après, par contre, ouais, si ça marche pas, il faudra trouver le pourquoi du comment surtout. Ouais, c'est ça. Même Carlos Sainz a envie que ça se passe bien alors. oui, mais c'est ça en plus. Il est quand même très content d'être en bleu plutôt qu'en rouge cette année, à la plus grande surprise générale. Mais pour l'instant, je pense que. Ouais. Il l'a dit lui-même, hein, il a dit je pense que Ferrari va vite retrouver sa place. Et d'ailleurs, le problème, ouais. Est-ce qu'en fait, il y aurait une crise chez Ferrari si les week-ends s'arrêtaient au samedi à 17h quoi. C'est dommage le fait d'avoir raté une voiture pour les qualifs. Alors même que c'est une saison où les écarts sont tellement serrés qu'il est plus difficile de dépasser en piste. Et peut-être qu'il aurait fallu faire l'inverse d'il y a 3 ans et faire une voiture plus adaptée pour les qualifs. Donc c'est ça qui est dommage. Mais on peut dire quand même que Ferrari a loupé le coche sur cet aspect-là cet hiver. Donc c'est clairement une déception de ce point de vue-là. Et c'est sûr que est-ce qu'il vaut mieux pas déjà enterrer cette voiture ? Pour moi, clairement, la réponse serait oui. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas champions. Et Ferrari, c'est fait pour être champion, donc autant se concentrer sur l'an prochain et tant pis. C'est vrai que c'est pas forcément une mauvaise idée. Après, de toute façon, je pense qu'il y a un petit peu ce volonté-là chez Ferrari. On sait qu'ils ont apporté une nouvelle suspension qui est une philosophie totalement différente parce qu'ils veulent la conserver en 2026 sur la voiture. C'est une suspension à tirant et c'est vrai que ça offre plus de possibilités sur le plan aéro notamment, même si c'est une pièce mécanique. La suspension à tirant offre beaucoup plus d'optimisation aéro et c'est pour ça que Ferrari l'a pris aussi. C'est parce qu'ils savaient que s'ils arrivaient à débloquer ça, ils pourraient aller plus loin dans les performances que ce qu'ils avaient l'an dernier avec la voiture. Malheureusement, pour l'instant, ils en sont loin, en tout cas relativement à leurs rivaux. Mais effectivement, après, de toute façon, on sait que faire un nouveau concept pour un an, c'est toujours un peu compliqué. Et on sait aussi que, dans tous les cas, Ferrari voilà, a des moyens limités parce qu'eux aussi misent tout au niveau de l'aéro et de développement en soufflerie et en informatique sur 2026. Donc c'est un peu normal qu'ils aient du mal à progresser dans la compréhension de cette suspension et de tout ce que ça implique sur la voiture, parce que du coup c'est énormément de différence par rapport à ce qu'ils avaient l'an dernier. Maintenant, moi je pense que Hamilton, je m'inquiète pas trop pour lui parce que je pense que lui est très content qu'on arrive à la fin de ce règlement parce qu'il n'est pas spécialement fan des voitures à effet de sol. On l'a vu que, enfin, à effet de sol, vraiment dépendante de l'effet de sol. On l'a vu que depuis 2022, il a quand même plus de mal à bien se mettre au volant de la voiture, bien comprendre les réglages et bien être à l'aise. Là, on a publié un article aujourd'hui où il dit que c'est que la deuxième fois de la saison où il se sent vraiment à l'aise avec la voiture en course. Il était très à l'aise et c'était la deuxième fois. Et la première fois depuis le sprint en Chine où il a gagné la deuxième manche de la saison, donc le samedi. Donc c'est vrai que ça fait quand même très longtemps qu'il n'était pas aussi à l'aise. On l'a vu en course, il était très rapide et très bonne gestion des pneus. Mais je pense qu'Hamilton sera bien plus performant l'an prochain et bien plus maître de ce qu'il fait que cette année, où là il découvre la voiture, il découvre le concept, il n'a pas du tout travaillé sur le développement de la voiture, et en plus de ça, c'est une génération de voitures qu'il n'aime pas trop. Donc l'an prochain, moi j'envisage un Hamilton bien plus à l'aise et bien plus performant. La question maintenant, c'est est-ce que Ferrari va pouvoir sauver, entre guillemets sauver, parce que ce n'est pas non plus une catastrophe, mais va pouvoir réussir à mettre un peu plus de performance en qualif. Parce que finalement, on se dit que s'ils partent dans le top 5 avec la voiture qu'ils avaient hier, ça fait podium sans problème et possiblement pour les deux. Donc c'est là où il y a une grosse déception quand même. C'est que, encore une fois, comme je disais en intro du chapitre Ferrari, ils partent 11 et 12, ils finissent 6 et 4. Donc voilà, c'est vraiment une belle remontée. Alors moi, je serais peut-être pas aussi pessimiste que Leclerc pour Monaco. C'est peut-être le moyen qu'ils auront justement d'avoir un circuit qui convient un peu mieux, qui est... Sur lequel ils arrivent mieux à régler, parce qu'on sait que Monaco, c'est pas le plus exigeant en termes de réglages, parce que de toute façon, les réglages sont obligatoirement faits pour que les voitures soient à l'aise dans les rues étroites et dans les rues sinueuses. Donc forcément, il y a une obligation de réglage, qui est une base de réglage qui est déjà très limitée. Et, Et je pense finalement que ça peut peut-être les aider un petit peu à mieux se qualifier. On sait que Leclerc est quand même très très bon sur les circuits urbains, et notamment à Monaco en qualif. Donc moi je suis pas... on verra tout à l'heure sur les pronostics, mais je ne suis pas totalement négatif pour eux à la semaine prochaine, enfin ce week-end. Surtout avec la maestria de Leclerc dans les rues de Monaco, ça peut compenser. Alors certes, si on a un problème de grippe au niveau des pneus sur le sec neuf, c'est quand même difficile à surcompenser, mais bon, il y a peut-être avoir l'effet, effectivement, le petit effet Leclerc à Monaco qui pourrait faire qu'il partirait, je sais pas moi, s'il devait partir 6e, il pourrait peut-être partir 4e ou 3e. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est... Alors, j'espère, en tout cas pour lui. En tout cas. Moi aussi. Justement, James Smith se demande, est-ce qu'il n'y a pas un peu de bluff venant de Leclerc? Alors, c'était après la course au micro de Canal+, qu'il a dit non, et je pense vraiment qu'il n'y croyait pas du tout à ce moment-là, parce qu'il était très saoulé, en plus il n'a pas eu de chance et tout, on l'a entendu à la radio, il était vraiment énervé, donc c'était compliqué. Seven dit Leclerc a les boules juste parce qu'il est derrière Hamilton. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin et élever un peu le débat, à mon avis, parce que c'est faux. Et en plus de ça, là, hier, il est derrière par des raisons de circonstances et pas du tout par son rythme. Donc, Et il se sacrifie même, il dit même profiter plutôt d'Hamilton qui a des pneus frais, on peut essayer de la gagner avec lui. Bon, il était un peu optimiste aussi. C'est vrai qu'à un moment, Hamilton, il était vraiment bien lancé, il était parti sur la bonne stratégie avec le bon arrêt au stand au bon moment. Mais donc il s'est même, voilà, entre guillemets, sacrifié à un moment à la radio. J'ai vu quelques passages là aujourd'hui. Enfin, il est vraiment pas du tout, il est vraiment pas dans l'optique de je suis juste devant Hamilton et le reste je m'en fous, quoi. Au contraire, c'est pas ce qui l'intéresse lui d'ailleurs. Puis d'ailleurs, il s'est bien qualifié devant Hamilton et pour l'instant, il y a pas grand chose à en dire. C'est plutôt les critiques sont plutôt du côté des pertes d'Hamilton que des pertes de Leclerc en tout cas, quand on doit les comparer l'un à l'autre. Donc je pense qu'il y a plutôt les boules, effectivement, que si c'est pour retrouver ton terme, il y a plutôt les boules que la Ferrari, elle ne sache pas exploiter ses pneus sur un tour. Alors attention, c'était Imola, hein, c'est vrai que là, ils étaient vraiment loin sur un tour par rapport aux autres Grands Prix. Donc si on prend peut-être plutôt la moyenne des autres Grands Prix, ça devrait quand même être un peu mieux à Monaco. Maintenant, on a ce fameux mystère mystérieux C6 qui sera de nouveau là à Monaco. Est-ce que c'est vraiment ce pneu-là qui est super tendre, qui pose vraiment problème à la Ferrari? Là, effectivement, si c'est le cas, ça peut vraiment le mettre dans une mauvaise position. Mais si c'est juste du one-off parce que c'était Imola, je pense pas que ça se qualifie aussi loin que ce qu'on a vu là. Exactement. Et alors, pour finir sur la page Ferrari, on nous a posé deux fois la question, est-ce qu'on en parle de la défense de Leclerc sur Albon et de la non-pénalité? Alors moi... Je veux parler de sa défense. Déjà, je trouve à titre personnel qu'elle était effectivement un peu sale, puisque Albon arrive, on voit qu'il est en capacité de prendre le virage. Donc il est légèrement devant, et donc ce n'est pas le virage de Leclerc. On sait que la loi aujourd'hui, c'est le pilote, c'est son virage s'il est devant au point de corde et en étant assez nettement devant. Là, ce n'est pas du tout le cas. Pourtant, il ne lui laisse pas la place. Donc d'après le code sportif international, il n'a pas respecté les règles, et donc s'expose à une pénalité. Il est mis sous enquête. Et alors non, d'après le règlement, ça ne passe pas. C'est ça le truc, Yann. C'est que normalement, le règlement fait que ça ne passe pas, puisque le code sportif international n'est pas respecté, puisque c'est normalement cet article-là qui doit rentrer en compte. Et la décision d'annuler la pénalité vient sur le fait qu'il laisse passer Albon. Et là, moi, ça me pose un énorme problème. Alors, ça n'a pas trop été abordé, mais je tiens à l'aborder quand même. C'est que normalement, cette condition de rendre la place ne s'applique que dans le cas où un pilote gagne un avantage hors piste. Là, il n'a pas gagné un avantage hors piste puisqu'il a dégagé Albon hors piste et Albon perd deux places, littéralement, enfin une place dans l'affaire puisqu'il fait aussi passer par Hamilton. Donc, un, le préjudice n'est pas réparé. Deux, Leclerc ne s'est pas, n'a pas perdu l'avantage qu'il avait récupéré puisqu'en fait, il n'avait pas d'avantage et il n'a pas pris comme ça. Donc, pour moi, la FIA a annulé une pénalité en se basant sur la règle concernant un autre fait de course. Et je trouve que c'est d'un amateurisme absolu, parce que littéralement, cette pénalité n'aurait en aucun cas dû être, annulée. Si on prend le règlement, et ce qu'il n'a pas respecté, c'était 5 secondes pour Leclerc, et donc il terminait 9e. Et ça, c'est effectivement ce que ça aurait dû être. Et moi, je suis vraiment sidéré que la FIA en soit au point où elle ne connaisse pas à ce point-là son règlement. Et son code sportif. Voilà, la FIA voulait juste rentrer en vie de Imola, hein. Il voulait pas se prendre les tifosi. Ah oui, sortie de circuit. Peut-être qu'ils ont effectivement eu peur pour leur vie, mais bon, au bout d'un moment, voilà, tu prends des gardes du corps, tu fais ce qu'il faut, tu pars à Imola le mercredi. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des solutions. Ils ont voulu récompenser Ferrari d'avoir fait un beau geste et montrer l'exemple aux autres. Hein. Oui, après, ça peut aussi mériter une réprimande, au moins, en tout cas, sur une entente à post-course. Parce que bon, c'est quand même que les réprimandes, quand elles les cumulent, ça peut faire 5 places. Donc voilà, ok, t'as rendu la place, t'as été. Voilà, mais à ce moment, que ce soit. Comment dire. Ils ont plaidé coupable. Une jurisprudence, quoi. Une voilà, c'est ça. De peine, quoi. C'est ça. Mais qui est quand même, effectivement, comme tu dis, une sanction un peu postérieure, en tout cas pour le côté un peu sale de la chose, parce que c'est vrai que pour le coup, ça n'a pas du tout été pénalisé du coup. Bah non, et en plus, c'est exactement le même genre de choses que fait Verstappen et qui sont récemment pénalisés par la FIA. 5 secondes dans le premier tour, 10 secondes dans le reste de la course, donc pour moi, c'était 5 à 10 secondes de pénalité, quoi qu'il arrive, et encore une fois, dire oui, bah, il a rendu la place, donc c'est bon, non, enfin je veux dire, c'est pas. Marc, attends, il y a eu des remises non, sur les jurons de cette divisé par deux, donc oui. Peut-être qu'il y a aussi une remise. Alors, là-dessus, on l'a pas vu passer. Effectivement, il y a peut-être des accords à la Trump où ils ont des pourcentages avec différentes. Ou peut-être que pour deux infractions, la troisième est offerte. Est offerte. C'est possible aussi. Il faudra demander à Ben Soudaïem s'il y a une espèce de carte de fidélité ou quelque chose qui traîne et qu'on n'aurait pas vu passer. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment sidéré et je trouve que ça. Ils ont de la chance, la FIA, parce que ça n'a pas fait grand bruit. On hésitait, pour rien vous cacher des coulisses de NextGen, on hésitait à faire un article ce matin. J'ai dit que si jamais on n'en faisait pas, j'en remettrais un petit fion ce soir, donc c'est le fait. Mais voilà, je trouve ça vraiment. Ils ont de la chance que ce soit assez passé et que finalement les équipes n'aient pas trop gueulé, notamment Williams. Mais voilà, il y avait largement de quoi pénaliser Leclerc de manière nette en suivant le règlement. 110% si tu jures en chinois, dit Nitram, ouais, c'est ça. Donc il y a juste Gonzalo qui a le droit de faire n'importe quoi. Voilà en tout cas pour la page Ferrari. Donc, et puis FIA au passage. On va passer maintenant, quatrième équipe, à Williams. Alors Williams termine 5e avec Alex Albon, 8e avec Carlos Sainz, il s'était qualifié respectivement 7e et 6e, pardon. Et alors la grande, moi ce qui me sidère chez Williams, c'est ce qui montre la transformation de cette équipe, c'est qu'on termine 5 et 8 et qu'on n'est pas content. Déçu. Ouais, et une grosse déception. Albon dit le podium était jouable, Sainz dit le top 5 était jouable. Donc en fait, voilà, ils pensent qu'ils auraient pu respectivement terminer 3 et 5. Et ça montre le travail et le chemin accompli par cette équipe. Alors bon, c'est vrai que du coup eux, on sait qu'ils développeront pas la voiture, donc ça va forcément faire que régresser, mais là ils sont encore dans cette espèce de période où tout va bien. On voit que les évolutions amenées par leurs rivaux n'ont pas trop posé problème, puisque finalement ils étaient encore au niveau des top teams, enfin en tout cas de Mercedes et Ferrari qui avaient des évolutions, donc c'est quand même plaisant pour Williams. Toi Alex, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu penses qu'ils vont faire un podium avant la fin de la saison, est-ce que tu penses qu'ils vu qu'il reste 36 courses, c'est possible. Ils avaient le potentiel, non, c'est génial ce que fait les deux pilotes, hein, parce que Sainz a été très malchanceux dans les circonstances de course, alors qu'il a fait une super qualif, ça fait 4 fois, je crois, d'affilée qu'il bat Albon en qualif, donc il est vraiment revenu, et il est vraiment venu pleinement au niveau, et ça y est, il avait dit qu'il y avait besoin de 5 courses pour s'adapter. Cette Williams, finalement, c'était 4. Hein. Donc, il est vraiment, vraiment au rendez-vous. Et il n'a vraiment eu pas de chance parce qu'il a fait un peu la même stratégie à la Piastri, c'est-à-dire un arrêt trop tôt et un timing, la VSC, qui ne lui convenait pas du tout. Donc, vraiment, un week-end énorme de Williams, qui a vraiment la paire de pilotes la plus homogène, sans doute, du plateau. Albon, quand même, un peu fragile au moment de faire des dépassements décisif en fin de course. Ce serait peut-être le seul point noir de son week-end, mais c'est excellent. Ils sont dans un no man's land à la cinquième place. Ils ont marqué 12, ils ont marqué 6 points en Arabie Saoudite, 12 aux États-Unis, 14 en Italie. Voilà, donc ils sont sur une pente absolument ascendante. Et 51 points. Et Albon, je crois qu'il est tout proche de marquer autant de points en un tiers de saison chez Williams qu'en 3 ans chez Williams. Donc c'est vraiment impeccable. En plus, dans une saison, ils n'étaient pas censés performer puisqu'ils étaient tous censés donner pour 2026. Donc ouais. c'est très prometteur. Il n'y a aucune casse de voiture. Ça montre que quand on a deux bons pilotes qui tirent vers le haut l'équipe, ça fait la différence. Donc voilà, c'est un peu une lune de miel. Hein. Comme ils ne vont pas développer la voiture, peut-être qu'ils souffriront. On les a déjà vus souffrir un petit peu quand même en qualif face à Aston Martin. Mais il n'y a rien à dire. Ils ont déjà fait le trou. Hein, classement. Donc ils peuvent abandonner cette voiture l'esprit tranquille. Voilà. Chapeau. Mais du coup, il ne faut pas se planter sur 2026. J'espère qu'ils n'ont quand même pas tout cet effet pour 2026. Oui. Moi, je ne vais pas en rajouter plus que ce qu'a dit Alex. Hein. C'est effectivement une belle progression par rapport à l'an dernier. De beaux résultats. Maintenant, je veux quand même faire une petite alerte sur le discours qui est tenu quand même par les pilotes. Certes, j'aurais peut-être pu faire un peu mieux en course. Mais de là à dire qu'on aurait pu jouer le podium, Je suis désolé, dans quel monde on aurait vu Verstappen et les deux McLaren passer par une Williams? Je le vois pas. Alors, aucune stratégie. Piastri avait des vieux pneus. Piastri avait lâché. Oui, ouais. Ouais, voilà, ouais. Mais bon, finalement, ça n'a pas trop été le cas. Et voilà, je veux juste dire attention aussi à ce genre de phrases en public où on met aussi un peu la pression sur l'équipe, alors que l'équipe se donne à fond avec les moyens qu'elle a sur tout ça. On devrait plutôt saluer effectivement la chose, dire qu'effectivement qu'on aurait pu faire un peu mieux. Mais de là exprimer à parfois un peu trop de frustration, surtout du côté de Carlos Sainz, parce que j'ai vu passer des choses qui ont été dites à DAZN, donc la partie espagnole, qui était un peu moins sympa que ce qui ont été dites après la course, avec plus de frustration encore. Ouais, je dis juste attention, là, on commence à re-rentrer dans la cour des grands pour répondre à Warius 0. Vous re-rentrez dans la cour des grands, vous n'y êtes pas encore. Voilà. Ouais. je pose des choses comme ça. Vous avez mis un pied dedans, maintenant il va falloir le mériter. Et pour le mériter, il ne faut pas non plus faire de déclaration à l'emporte-pièce. Je suis désolé sur. Voilà. En rythme de course, la Ferrari était loin devant. Loin devant, de plus d'une demi-seconde en moyenne. C'est vraiment que les circonstances de course qui ont fait que, éventuellement, Albon aurait pu jouer le podium, et encore, je vois pas comment on a pu aller chercher Piastri. Donc, juste un petit peu de calme sur les déclarations, messieurs Albon et Sainz. Voilà. Je tiens à rectifier, parce que j'ai été un peu simplifiste. Sur la déclaration d'Albon. Il n'a pas dit j'aurais pu faire podium, il a dit j'ai cru au podium deux fois pendant la course. Voilà, je tiens à rectifier, parce que c'est moi qui étais un petit peu à faire un raccourci. Mais effectivement, je trouve Sainz assez dur. Je te l'avais déjà dit la semaine dernière, Franck, on avait parlé parce qu'il avait fait une déclaration comme quoi il ne voulait pas que telle chose arrive et tout ça. Et je le trouve assez rude avec l'équipe. Alors, c'est bien pour motiver les gens, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un réservoir à critique et un défouloir après les courses. Alors, je tiens à dire, Seven dit que Toto n'a pas cru en Vols. Bien sûr qu'il a cru en lui, parce que Vols était déjà ingénieur chez Bar à l'époque. Il est resté dans l'équipe de Brackley jusqu'à 2022. Où il a monté les échelons jusqu'à devenir directeur de la stratégie pendant. Recruté par Villeneuve et Pollock. Absolument. Et il est resté directeur. Enfin, il est resté directeur de la stratégie pendant plusieurs années. Lui notamment, qui était stratège à l'époque où il y avait l'empilage de titres d'Hamilton. Et c'est d'ailleurs le fameux Valtteri is James. Hein, c'est James Vowles qui disait à Valtteri de laisser passer Hamilton. Donc voilà, voilà. Après, il l'a pas remplacé. Il l'a laissé partir parce que Vowles en fait a eu la proposition de devenir directeur d'une autre équipe, et Toto a dit je ne peux pas l'empêcher de réaliser ça, parce que lui il voulait pas laisser la place chez Mercedes. Il était formé pour l'être successeur, sauf que Toto a décidé de rester plus longtemps que ce qu'il imaginait, parce qu'à un moment c'est peut-être évident, James qui aurait dû prendre la succession de Toto Wolff. Finalement Toto a décidé de pas raccrocher tout de suite, parce que c'était quand même un peu dans l'air du temps pendant un bon bout de temps. Puis finalement il décide de s'accrocher à son poste, parce qu'il fait très très bien son boulot Toto, mais il a décidé de rester, voilà, parce qu'il était pas fatigué entre guillemets de ça. Maintenant il prend comme le temps effectivement de louper quelques courses, histoire de retrouver un équilibre un peu dans sa vie. Donc non, James n'est pas parti en mauvais terme du tout avec Mercedes, au contraire, il y a eu l'opportunité qui s'est proposé à lui, et tu peux pas dire non, quoi. C'est ça. Mais au demeurant, je te rejoins, Seven, sur le fait que c'est une belle équipe d'outsiders, effectivement, mais voilà, c'est assez impressionnant. C'est pas encore un top team. Cycloexan dit une équipe du standing de Williams mérite de jouer les points à chaque Grand Prix. Je rappelle qu'en 2019, pour résumer leur saison, ils arrivent 4 jours de retard aux essais, ils marquent 0 points et ils finissent la saison en faisant abandonner volontairement les voitures parce qu'ils n'ont pas assez de pièces. Donc en 6 ans, c'est passé d'une équipe de fond de grille qui ne sait plus ce qu'est mettre une roue devant l'autre à une équipe qui joue des top 5. Donc, tu sais qu'on a trouvé la raison quand même de pourquoi il n'y avait plus de pièces à la fin de saison. Parce qu'ils avaient perdu la disquette qui contenait le fichier Excel. La deuxième disquette, justement, parce qu'il y avait deux disquettes. ils avaient des ordi. Oui, quand même, allez. Oui, ils avaient des Commodore C64. C'est ça, des Sony MO5. Avec les grosses disquettes. Les cassettes. Ouais. Mais et je tiens à dire, alors j'ai une petite statistique que j'ai mis partout depuis hier, mais que j'aime beaucoup, c'est que c'est le plus gros total de points sur un seul week-end pour Williams depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2017. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et c'est Lance Stroll qui avait fait 15 points tout seul avec un podium à Bakou en 2017. Donc voilà, en tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu Williams à pareille fête. Voilà pour l'équipe, en tout cas. C'est en plus le Grand Prix où il a pu faire 18, non, au lieu de 15, parce qu'il s'est passé oui, par Bottas sur la ligne, ouais, tout à fait. Exactement. On passe à Mercedes. Alors Mercedes, ça a été un petit peu compliqué tout au long du week-end. Alors belle qualif de George Russell, hein, qui encore une fois se place troisième sur la grille. La course a été plus compliquée, stratégiquement c'était pas terrible, dans l'exécution c'était pas terrible, dans les timings c'était pas chanceux, et au final, dans la fiabilité c'était pas terrible. Au final, Russell termine 7ème, Antonelli ne termine pas après une panne mécanique. Donc voilà, c'est un petit peu leur pire week-end d'après Andrew Chauvelin. Ça a été clairement pour eux, c'est ce qu'ils ont fait de moins bien. Alors le problème c'est qu'à Miami c'était déjà leur pire week-end avant ça, donc c'est un petit peu compliqué ces deux dernières courses pour eux. J'espère que ça va être ça va être mieux par la suite, mais effectivement on craint chez Mercedes le retour de la chaleur comme chaque année. Et on arrive dans une période entre mai et septembre, on va dire, où la chaleur va être très clairement présente. Est-ce que pour toi, Franck, c'est le signe d'un été difficile pour Mercedes? Mais on se rappelle que l'an dernier ils avaient quand même fait 2 victoires sur l'été. Oui, non, ça avait l'air quand même un peu particulier, hein, ce Grand Prix en termes de gestion des pneus. Peut-être que la chaleur effectivement a joué certainement quelque chose, enfin en tout cas un rôle important, mais bon, on a quand même vu des inversions de tendance assez fortes, hein, que Ferrari se loupe autant sur les pneus neufs, c'était pas arrivé, que Mercedes se reloupe sur les pneus avec la chaleur, c'était pas non plus aussi flagrant sur les précédents Grands Prix, que la Red Bull arrive enfin à maîtriser un peu sa dégradation, voilà. Donc est-ce qu'il n'y a pas un peu un effet Imola, bouleversement des choses avec le C6, tout ça? C'est pour ça que j'ai envie de dire, peut-être, attention, ça peut être pas tirer de conclusion trop hâtive de ce qu'a fait Mercedes sur ses pneus ce week-end, mais effectivement, c'est quand même pas réjouissant, parce qu'en fait, ils se sont retrouvés aussi, eux aussi, dans la situation inverse de Ferrari, comme Red Bull, c'est-à-dire qu'ils ont réussi très bien à l'exploiter sur un tour, en tout cas pour Russell. Et ensuite, effectivement, c'était un peu le no man's land pour Russell et Antonelli en termes de performance derrière. Et pour parler juste, parce que j'ai pas non plus envie de trop m'éterniser là-dessus, parce que leur Grand Prix était compliqué, et que c'est un peu difficile d'y voir clair dans ces cas-là, tant qu'on n'aura pas le fameux débrief s'ils en sortent un sur leur course. Aussi, surtout parler d'Antonelli qui a quand même extrêmement mal géré, malgré tous les avertissements reçus de la part de Toto Wolff sur le fait qu'il ne faut pas se laisser avoir par toutes les sollicitations, tout ça. Bradley Lord et Gwen Lagru étaient vraiment assez chafouins par rapport à toutes les sollicitations qu'Antonelli a eues. Antonelli a lui-même dit après la course qu'il a très mal géré son énergie. Mmh. On sortira un nouvel article qui est un peu plus complet là-dessus demain matin. Mais il n'a pas su dire non en fait aux sollicitations. Il a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie là-dessus. Et c'est le Grand Prix vraiment à domicile pour lui, parce que plus que Monza, parce que voilà, il a 30 km, il est né à 30 km effectivement du circuit. C'est près de sa ville natale, de Bologne, hein, du coup. Mm. Petite alerte, pression médiatique, pression des fans, pression de ça pour Antonelli, qui a quand même vécu un super accueil à domicile, digne des pilotes Ferrari quand même, hein, c'était à noter. Donc les Italiens l'ont déjà adopté, ça c'est clair. Donc quand on lui dit qu'il rêve de Ferrari, évidemment, on ne peut que le croire. D'ailleurs, voilà. Très très beau tir coupé des voitures et pilotes italiens en qualif, puisqu'ils étaient 11, 12 et 13. Voilà. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il a dit lui-même, hein, ça a pesé sur son pilotage, ouais. Ce sont ses mots, ça a joué sur son pilotage, et il a dit qu'il ferait mieux pour la prochaine fois, parce que effectivement, ce serait, c'était un peu problématique. Voilà, c'est vrai qu'après... On est quand même déçu pour Mercedes, qui semblait avoir réglé ses soucis de chaleur. C'est un pas en arrière assez incompréhensible pour moi, parce que voilà, on est sorti sur des grands prix, même à Miami, hein, qui était quand même assez encourageant du point de vue de la chaleur, et là c'est un retour en arrière. Alors c'est peut-être dû à la nature des tracés, à des pneus un peu plus tendres, mais c'est un peu inquiétant, et la diva est toujours là, quoi. La fameuse. C'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils avaient éradiqué ce problème chez Mercedes, que sa voiture n'était plus une diva, mais on voit que en tout cas, en termes de comportement, elle ne l'est plus. En termes de gestion des pneus, apparemment, elle, si. Mais bon, parce que la diva, c'était surtout une question de comportement. Hein. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on sait que le nerf de la guerre, c'est moins le comportement que la mise en fenêtre des pneus. On voit notamment que le dirty air aujourd'hui est beaucoup cité, mais c'est pas le dirty air par rapport à ce que ça donne dans le comportement des voitures, c'est vraiment la manière dont ça sort les pneus en fait de leur fenêtre optimale de fonctionnement, ce qui ensuite provoque sous virage, sur virage, selon les voitures. Mais en tout cas, voilà, donc c'est un petit peu c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant quand même pour Mercedes. À eux de nous montrer, même à Monaco, que ça va mieux, mais c'est vrai que c'est pas non plus le circuit qui leur réussit le plus historiquement. Monaco, je crois que ça fait un moment qu'ils ont pas fait une bonne course là-bas, Si je dis pas de bêtises. Bah, Alex doit les voir faire une très bonne course, je crois. Il nous dira ça tout à l'heure. Mais effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ça a été un petit peu décevant. Maintenant, voilà, ils sont toujours fermement attachés. Enfin, Red Bull revient à 16 points, mais bon, dans la logique des choses, ils ont toujours, hormis là, ils ont deux voitures qui scorent régulièrement. Donc, ils sont toujours solidement accrochés à leur deuxième place au championnat. Maintenant, c'est vrai que pour eux, s'ils veulent réussir leur saison, il faudrait au moins des coups d'éclat avec des victoires, par exemple, ou ce genre de choses. Parce que là, ils sont déjà très très loin de McLaren, évidemment. On passe à Racing Bulls, avec la 9e place de Isaac Hadjar, la 14e de Liam Lawson. Alors, il y a eu, c'était un week-end assez confus pour eux. Hadjar fait une petite erreur en Q3 qui lui empêche de faire un tour. Lawson était un petit peu perdu en qualif. Hadjar a fait une erreur un peu à la Colapinto aussi. Il a mis la voiture légèrement dans le mur, mais heureusement, à Tamburello, c'était pas trop violent. Mais voilà, ça a été un week-end un peu compliqué pour Racing Bulls. Mais malgré tout, Isaac Hadjar, bah, de nouveau, c'est une nouvelle Q3. Donc la statistique qu'ils nous ont montré ce week-end, c'est que c'est le seul pilote de la grille à ne jamais avoir été éliminé en Q1. Et voilà, il a encore fait une Q3 et il la transforme en points, 2 points de plus. Donc pour moi, c'est... pour moi, c'est un très bon travail d'Isaac Hadjar et je trouve qu'il est un petit peu en train de has-beeniser, pour continuer à inventer des mots, Liam Lawson qui galère vraiment depuis son retour de Red Bull. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que là, clairement, ça se dessine de plus en plus. Quoi. Maintenant que Hadjar a un peu d'expérience. Wow. Et en plus, il n'a pas eu beaucoup de chance au timing de la voiture de sécurité virtuelle parce qu'il était même 5e à une étape de la course. Effectivement, hein. Il continue à mettre sous l'été noir Lawson et clairement être le deuxième meilleur pilote des deux équipes Red Bull. Donc ça risque d'interroger également pour l'an prochain. Alors c'est clairement, bon, ils sont dans les tours de Q3, n'est pas très très bon parce qu'il allait sur le support, ça reste quand même une petite erreur. Mais sinon, sa course, elle a été parfaite, il n'y a pas grand-chose clairement à enlever, et il était malchanceux. Donc Hadjar continue sur sa lancée, qui est très bonne lancée, et avec cet élan... Bah, il pourrait encore déménager d'équipe l'an prochain. Ouais. Pourquoi tu veux mettre dans la sauce comme ça tout de suite, toi, directement? C'est une carrière de course en 2026, celui-là. Non, mais il est clairement très solide. De toute façon, si Tsunoda continue comme ça à être assez moyen, je suis sûr qu'Hadjar, effectivement, il est chez Red Bull l'an prochain. J'en suis même assez convaincu. Surtout qu'il a les faveurs d'Helmut Marko, même si Helmut Marko ne sera sûrement plus là l'an prochain, il aura le temps de le... De booster. Puis Helmut, il a dit qu'il est resté finalement. Ah, ouais, ouais, il s'est dit, bon là. Il a dit j'en suis à la moitié de ma vie seulement. C'est Terminator en fait. Non, mais après, voilà, faut peut-être recommencer à penser à prendre son solde de tout compte et à partir, quoi, au bout d'un moment, à 81 ans. Ah, mais attends, ça nous fait la moitié de nos articles sur NextGen. Mais t'inquiète pas, il fermera pas sa gueule pour autant. Ah, oui. C'est comme Franz Tost, tu sais, ça continue après. Hadjar, non, bah, parfait, encore sur la piste, il n'y a rien à dire. Hein. Il est là, il fait le job, il sait aussi choisir ses batailles. C'est-à-dire quand à un moment, il a vu qu'il n'avait pas les pneus pour lutter contre les Ferrari qui revenaient derrière, il a pas perdu son temps à essayer de batailler. C'était contre Hamilton d'ailleurs, je crois. Oui. Il a laissé passer voilà, sans perdre de temps. Ou trop et contre temps, la Williams aussi, Albon, je crois. Oui, voilà, donc il sait choisir ses batailles et tout. C'est vrai qu'avant la course, il disait il était un peu déçu peut-être par sa qualif, il pensait qu'il pouvait faire 5e ou 6e, je crois, sur la grille. À juste titre, je pense. Et quand il a dû se voir cette place-là pendant la course, je pense qu'il a dû se dire, voilà, je prouve par la réalité ce que j'aurais pu faire. Bon, après, effectivement, la direction de la course a fait qu'il a régressé un petit peu, mais après tout, rien de plus logique par rapport effectivement au rythme de course qu'on a vu sur les Ferrari et les Williams qui sont repassés un petit peu derrière. Ça reste dans les points, ça reste très solide. Vous pouvez pas faire beaucoup mieux, clairement. Donc non, bah, rien à dire sur Isaac, hein, qui encore prouve voilà, qu'il a toute sa place en Formule 1 et que bah, s'il faut lui laisser effectivement le temps de se développer pour évidemment affronter voilà, le défi Red Bull Racing avec ou sans Verstappen, on ne sait toujours pas l'année prochaine. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça un peu aussi d'interview de Verstappen qui laissait un petit peu la porte ouverte, mais bon. On en parle quasiment toutes les semaines, donc. Voilà, mais là c'était quand même un peu plus flagrant sur le fait que voilà, peut-être que Verstappen l'année prochaine ne serait pas chez Red Bull. À ce moment-là, si Verstappen n'est pas chez Red Bull, oui, évidemment, mettez Isaac là-bas. Hein. Il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun souci. Mais non, voilà, ce serait solide. Et par contre, moi, Lawson, il commence un peu à m'inquiéter quand même. Hein. Là, ça commence. Voilà, j'ai retrouvé la confiance. Enfin, ce qu'il disait au dernier Grand Prix, ça va mieux, tout ça. Je suis désolé, c'est pas là, quoi. Les perfs sont quand même assez moyennes par rapport à Isaac, qui quand même débute, hein. Alors, certes, Lawson, il n'a pas non plus 35 ou 40 grands prix à son actif, il en a dans une grosse quinzaine, je pense, ça va être ça, ouais, 16-17, je pense, il était à 11, donc ouais, c'est ça, 16-17. C'est pas une énorme expérience non plus, mais bon, il se prend quand même une bonne claque par rapport à. Il se prend une bonne claque quand même, donc. On vieillit vite en Formule 1, en tout cas chez Red Bull. Ouais, c'est ça. Et quand on sait qu'on a un Arvid Lindblad qui attend, aussi encensé par Marco, voilà, on peut se dire qu'effectivement, Lawson ne risque de pas faire du zoo non plus chez Racing Bull si ça continue comme ça. Ouais, bah c'est vrai que après le problème c'est que là on en revient exactement à ce qu'on disait pré-Suzuka ou post-Shanghai, c'est que de toute façon c'était pré-Suzuka parce que la décision est annoncée, c'est que Red Bull a provoqué cette situation en envoyant un pilote qui n'était pas prêt de nouveau, hein, on envoie un pilote qui n'est pas prêt dans un top team, au bout de deux courses on fait les vierges effarouchées en se disant ah bon mais c'est bizarre ça marche pas, et puis on le rétrograde en disant t'inquiète maintenant ça va aller, mais derrière les dégâts sont faits, psychologiquement il est plus au niveau et voilà, et c'est clairement les limites du management de Red Bull qui étaient les seuls à ne pas avoir vu le problème que ça allait poser de mettre Lawson dans cette voiture. Et ben, on l'avait tous vu venir, on en a parlé l'an dernier, on en a parlé en début d'année. Et on avait raison, voilà. Donc, appelez-nous la prochaine fois. On vous dira quel pilote mettre. C'est ça, hein. Et on coûtera moins cher qu'Helmut Marko, donc n'hésitez pas. C'est ça. En plus, on a un bon pronostiqueur dans l'équipe, donc. C'est ça. C'est ça. Pour nous dire. Voilà, non, mais c'est vrai que c'est un gros, gros problème. De nouveau, c'est vraiment leur décision qui crée des problèmes. Et ensuite, ils viennent s'en plaindre et ils prennent d'autres mauvaises décisions pour corriger leurs mauvaises décisions. C'est le même cercle vicieux depuis 6 ans. J'espère qu'ils vont arrêter là et que ce coup-ci, ils vont laisser un moment à Tsunoda et que Hadjar viendra ensuite. Mais voilà, que Tsunoda, faut lui laisser, quitte à en être là, je pense que Tsunoda, il faut lui laisser au moins 2026 chez Red Bull de toute façon. Tu peux pas changer tous les ans de pilote comme ça dans une équipe aussi instable, parce que en dehors de Verstappen, cette équipe est quand même vraiment bancale. Et je pense que c'est une énorme erreur de continuer à faire n'importe quoi avec. Et moi, pour moi, Hadjar aura besoin d'une deuxième saison chez Racing Bulls. Il aura toujours de la progression à faire. Il a le temps, il a 20 ans. Et vouloir le monter aussi vite, s'ils refont la même erreur avec Hadjar, bah décidément, c'est qu'il faut virer tout le monde, puisque personne n'a rien compris. Et après, ils pourront gâcher la guerre de Lindblad derrière. Mais bien sûr, c'est des séries. C'est bon, s'il n'y a pas Verstappen, je n'y vois aucun problème à ce qu'il monte. Oui, s'il n'y a pas Verstappen, effectivement. Ouais. De toute façon, ils auront un moteur Ford, ils seront 9e du championnat, je l'ai dit. Hein, je mets 20 balles là-dessus aussi. Non, je déconne. Ouh allez, si, je le mets. 9e. 9 et 10, j'ai dit Red Bull Racing Bulls. Oui, parce que. Non, et Cadillac alors. De juste devant. Ah oui, bah non, du coup, ils seront 10 et 11, parce que Cadillac sera 9. Oui, mais Cadillac, ils auront un moteur Ferrari. Donc. Et t'as intérêt à parier là-dessus sur un site de Paris, parce que là, tu deviens multimillionnaire, mon garçon. Ah ouais. Non, mais j'en suis à moitié, je dis ça en blaguant, mais je pense vraiment que le moteur Red Bull Ford, s'il n'y a pas de changement d'ici là, s'ils n'arrivent pas à avoir gain de cause, sur tout ce qu'ils veulent altérer, sur le règlement et tout ça, ça va être un fiasco. Tu viens de tuer ton Verstappen. Ce que disait Lord Phoenix, dit 3 ans pour former un jeune pilote, et chez Red Bull, c'est 2 courses pour le déformer. C'est vrai, mais c'est exactement ça. Hein. Et d'ailleurs, c'est même Franz Tost, qui est pourtant pas le plus tendre des managers, qui disait qu'il fallait au moins 3 ans pour un pilote. Et effectivement, je pense qu'il avait raison. Et d'ailleurs, on le voit, Tsunoda a énormément progressé. On voit que Gasly a été mis trop tôt chez Red Bull, mais quand il est revenu chez AlphaTauri, il a continué à progresser. Et en fait, bah oui, comme par hasard, apparemment, s'entraîner, ça fait progresser. Donc, tu fais bien de parler de Tost, parce que c'est le seul qui. Qu'est-ce qu'il est encore un peu consultant Red Bull à 16 heures perdues. Je sais pas exactement. Quand il a besoin de faire une piscine ou de. Ouais, c'est ça. Véranda, hein. Il a quand même dit lui-même qu'il avait formellement déconseillé à Marco Hörner de choisir Lawson à la place de Tsunoda. Pour lui, c'est Tsunoda qui devait avoir la place. Et il l'a redit du coup dans les médias là récemment. Eh bien, il avait raison. C'est ça. Ils l'ont pas écouté. C'est ça. Ah, après, il était que directeur de l'équipe qui. Oui, qui l'a formé pendant je sais pas combien de temps. Il l'a formé, ouais. Donc bon. Ouais. Oui, c'est vrai. Il l'a pas vu en fait, ouais. Peut-être que quand ils ont parlé de Franz Tost à Horner, il a réagi comme Hamilton. Il a... Qui Franz Tost Non, en tout cas, voilà. Donc, et oui, comme dit Sobret et Dedicat, quand tu penses que Sainz était libre, évidemment, ça aurait pu être très différent. Mais bon, c'est comme ça. Ils auraient pu reproduire le duo Toro Rosso de 2015. Voilà pour Racing Bulls, on va passer à Aston Martin. Et finir la carrière de Sainz avant l'heure. Bah, sûrement. Peut-être, hein, aussi. Peut-être. Francis Biscuit. On saura jamais. François Biscuit Grillé, Franz Tost. C'est le nom français de Franz Tost. On va passer à Aston Martin. Alors, Aston Martin, ça a été un week-end de montagne russe, puisque vendredi. Lance Stroll, il a été interrogé sur les évolutions, il a dit ça ne change rien. Donc samedi, il se qualifie 5 et 8, donc finalement apparemment ça change. Ça change tout. Et dimanche, bah, la malchance a frappé. Alonso a été a juré à la radio, il a dit qu'il était le pilote le plus malchanceux du monde. C'était le seul pilote le plus dépressif que Leclerc à la radio. Et il a terminé 11e, comme les autres de la course d'avant, après avoir été malchanceux. Donc il était très en colère à la radio. Néanmoins, il était un peu plus optimiste après la course, parce que factuellement, Aston Martin, ouais, ça allait quand même vachement mieux, oui, ce week-end. Mais paradoxalement, c'était un excellent week-end pour Aston Martin. Alors ça va sembler hyper bizarre de dire ça, puisque ils se sont ramassés en course, mais ils ont été très malchanceux. Mais c'est la première fois, alors évidemment ça a confirmé pour les prochaines courses, mais c'est la première fois dans l'histoire de l'équipe Aston Martin F1 que des évolutions apportées en cours de saison fonctionnent. Non, alors, tu l'as mis dans tes stats, ça, j'espère. Je mets un bémol. 2022, ça avait fonctionné. Ah non, parce que dans les années 50, ils avaient reçu une nouvelle. En 59, c'est. Non, mais en 2022, l'évolution et la copie de Red Bull là, sur les pontons, ça avait bien marché, mais c'est parce qu'ils partaient de tellement. En cours d'année. Oui, en cours d'année, oui. Ouais. C'était en cours d'année qu'ils avaient reçu. Oui, oui, oui. Mais bon, après, c'est vrai que ça n'avait pas aussi bien marché. Ça avait juste... Mais ils avaient quand même joué des bonnes places. Ça avait maintenu. Et ouais, franchement, on ne s'y attendait pas. Et donc, c'était important, ces évolutions, puisqu'elles ont été développées. En tout cas, en partie, une partie mineure. Elles ont d'abord été développées dans la vieille soufflerie, puis ensuite ramenées dans la nouvelle soufflerie à l'usine de Silverstone, qui est peut-être la meilleure soufflerie de toutes les équipes F1. Mmh. Alors, est-ce que c'est les développements de nouvelles souffleries qui a apporté des choses en plus? On ne saura pas vraiment. En tout cas, c'est plutôt encourageant. Mmh. C'est plutôt encourageant, et voilà, c'est le testament de Dan Fallows, je ne sais pas, mais je pense que ce n'est pas du tout l'effet Newey, parce qu'ils ont été développés avant. Mais, bah ouais, 5 et 8 en qualif, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Ouais. Donc, à confirmer à Monaco, je ne sais pas, alors peut-être que c'était qu'un feu de paille, mais peut-être qu'en rythme de course, les évolutions beaucoup moins importantes, elles ont été très malchanceuses encore une fois, les Aston, lors de la course. Mais moi, j'ai été assez impressionné de voir la 5e place de Alonso. C'est peut-être la seule lueur d'espoir, hein, dans une saison qui était quand même assez ténébreuse. C'est quand même encore une monoplace, j'ai envie de dire, Marc, ici, qui... Vous vous rendez compte quand même qu'on parle d'incohérence sur quasiment toutes les équipes sur ce circuit d'Imola, ouais, quand même. Ouais. Pour Red Bull, c'était, on ne s'y attendait pas. McLaren, on ne s'y attendait pas. Ferrari, on ne s'y attendait pas. Mercedes, on ne s'y attendait pas. En fait, tout a été bouleversé sur ce Grand Prix, pourtant sur un circuit hyper classique en apparence. La bonne nouvelle, c'est qu'après, on parle d'Alpine, et ça, on s'y attendait, mais... Voilà. Mais non, il y a eu une réunion. Alors si, Adrien Newey n'a rien changé, tu m'as dit, effectivement, mais en fait, il y a eu une discussion lors d'un déjeuner. C'est la fait qu'il y a eu une petite interview de Newey qui est sortie, qui était quand même super sympa. Je pense que voilà, qu'on vous a retranscrit en intégralité. C'est-à-dire que les gens qui l'ont lu ont trouvé ça très intéressant. Il a tout changé. C'est ça. Il a accepté de regarder la RF5 le temps d'un déjeuner, juste. Voilà. Effectivement, ça passe. Mais est-ce qu'il comptait dans le budget plafonné le déjeuner? Ah bah chez Red Bull, ils vous doseraient 10 cuits. Hein. C'est grâce au déjeuner qu'ils ont fait une nouvelle, c'est ça, c'est un nouvel aileron par déjeuner. Chez Red Bull, la cantine, elle est fait partie elle est en dehors du budget de cab, donc. Ils testent la solidité des ailerons, ils en font des plateaux, en fait, c'est pour ça. Donc c'est ça. Non, non, mais c'est évidemment, c'est pas Newey du tout qui a apporté quoi que ce soit là-dessus, surtout s'il a accepté d'en parler que pendant 2 heures au grand maximum. Voilà, donc c'est très encourageant, j'ai envie de dire, pour la soufflerie. En tout cas en termes de développement, si effectivement ils ont pu corroborer les chiffres ancienne soufflerie, nouvelle soufflerie, CFD, nouvelle soufflerie, c'est encourageant pour eux, parce que effectivement un nouveau planté là, ça aurait été un petit peu compliqué, quoi. Parce que bon, certes ils misent tout sur Newey 2026, il faut quand même que les équipes qui sont derrière sachent bien bosser. Donc en termes d'évolution, et c'est vrai qu'Aston Martin depuis 2022, ça n'avait pas vraiment montré grand chose de qui allait dans le bon sens, on va dire, dans ce créneau-là. Donc voilà, à confirmer, je veux dire, sur d'autres circuits, on va pas être trop épilogué là-dessus. Malchance en course, effectivement, sur la stratégie, sur les timings des voitures de sécurité, tout ça. Mais il y a eu un effet Imola, hein, pour toutes les équipes qu'on a citées là, il y a eu un effet Imola de quelque chose à laquelle on s'attendait pas. Donc voilà. Après moi, je me dis c'est bien, parce que s'il se qualifie 5e et que les évolutions commencent à fonctionner, il y a un Max Verstappen que ça va attirer. Donc moi, il faut garder ses 20 balles, tu les perdras sur autre chose du coup. Non, moi je garde mes 20 balles, parce que je pense que c'est plus que jamais le pari va être jouable. Mais c'est vrai que voilà, c'est effectivement, c'est pas l'effet Newey. Hein, voilà, c'est, on n'est pas à Lourdes, il n'a pas touché la voiture, elle s'est mise à fonctionner. Ça ne marche pas comme ça. Néanmoins, c'est vrai que voilà, c'est assez impressionnant de voir à quel point ça fonctionne. Alors, mais effectivement, tout ce qu'on a vu là, tous ces enseignements sont sujets à confirmation. Et ils ne le seront pas confirmés définitivement ce week-end, puisque Monaco, c'est pas du tout le terrain de jeu pour ça. Donc en fait, il faudra attendre la fin de ce triplé de course à Barcelone pour avoir une idée de ce qui se passe vraiment. En tout cas, ça prouve aussi, ça promet aussi un week-end où il y aura potentiellement des surprises à Monaco, parce qu'il y a déjà souvent des surprises dans la hiérarchie. À Monaco, on se rappelle de Ocon qui se qualifie dans le top 3 en 2023. On se rappelle enfin, il y a pas mal de choses. Hein, l'an dernier, les McLaren qui étaient vraiment de retour à Monaco aux avant-postes, etc. Donc, et voilà, c'est pas possible que cette année, il y ait encore une bonne surprise qui vienne de. C'est hyper serré. Hein, et pourquoi pas Alonso, parce qu'il est très très bon en général à Monaco. Et en fait, moi, entre Mercedes qui a du mal avec les pneus, entre Williams qui sera peut-être un peu moins bien sur un circuit lent, entre Ferrari qui est limite et tout ça, il y aura de la place pour que des pilotes outsiders viennent dans le top 10, hein. Et je pense à Gasly, je pense à Alonso notamment, et c'est pas impossible que ça, ou même à Jarre si jamais ça marche bien à Monaco, c'est pas impossible qu'il y ait des bonnes surprises. On peut même imaginer que Ocon soit sur la même ligne que Gasly, refaire un bis repetita de 2024. Et Bruno Famin qui va revenir à l'écran. Faut encore que je gueule ou pas? La tranchée dans le vif. C'est ça. Bon, on va pas encore parler d'Alpine. Hein. On vous fait un peu patienter. On va d'abord parler de Sauber. Nico Hülkenberg termine 12e, Gabriel Bortoleto termine 18e. Le Brésilien s'était mieux qualifié que son équipier, un expérimenté équipier allemand, de nouveau. Alors c'est vrai qu'il n'a pas eu de bol sur la course, ça a été un peu compliqué pour lui, mais moi je reste halluciné des performances de Bortoleto, tout en discrétion, puisqu'il est en fond de peloton. Personne ne parle trop de lui, il fait ça de manière très calme, très posée, mais je trouve qu'il a déjà une science du pilotage quand il parle et tout. On voit qu'il fait exactement ce qu'il veut avec sa voiture. Et je suis très impressionné par ses performances. Il était même dans le top 10 à un moment donné, ouais, au début de course. Hein, donc c'était effectivement assez malchanceux. Donc encore un super Grand Prix de Bortoleto qui effectivement n'a pas eu de chance avec la VSC. Mais bon, les points, c'était quand même, ça restait juste pour cette Sauber. Et effectivement, il a battu Hülkenberg qui est quand même un client en qualif. Donc ouais. Audi a quand même un bon line-up avec un très bon mélange d'expérience et de jeunesse, avec un Bortoleto qui sera bien préparé pour sa deuxième année. Et encore une fois, hein, ceux-là, ils ne sont pas largués. Hein. Et Hülkenberg fait 12e. Hein. Il ne finit pas si loin des points au final. Donc voilà, moi, c'est toujours moins pire ce qu'on pouvait penser après les essais hivernaux. Ouais, je suis assez d'accord. Et voilà, et donc ils sont toujours derniers, mais avec 6 points. Donc ce qui est loin d'être honteux. Ouais, clairement, et puis pas très loin de. Il suffit d'un bon week-end et que les choses tournent à leur faveur. Un point d'Alpine. Ils peuvent rapidement prendre deux places au classement, donc c'est ça qui est une bonne nouvelle. Franck, toi, Sauber. Ah, t'entends plus, Franck. Non, mais en fait, c'est normal, j'ai mon micro, il est bien ouvert, mais quand j'ai rien de spécial à dire, je fais semblant d'avoir. Ah, d'accord. Et ben, c'était vachement. C'était intéressant. C'était très crédible. Demain soir en punition, Franck animera tout seul une émission spéciale. Émission sur émuette. Non, franchement, j'ai pas plus à dire que ça. Ouais, fortement, Bortoleto était quand même vachement déçu par sa course, par le déroulement de. Ouais. Voilà, il était comme sur la bonne stratégie, tout ça. Ouais. Il finit 18e, dernier classé. Donc, c'est ça. Alors qu'il avait vraiment tout bon jusqu'à. Bah voilà, parce que la voiture de sécurité lui ruine, mais là. La totale, quoi. Et ouais, ça joue les points, sinon. Donc, bah voilà, c'est dommage. C'est dommage. Bah, je vois pas plus à rajouter, voilà, sinon. Je pense que tout le monde a envie qu'on parle de l'équipe avec un grand A. Aston Martin, non, c'est déjà fait. Ah oui, pardon, alors c'est l'équipe avec un petit A, du coup. Alors pour résumer le week-end d'Alpine, c'est bien simple, il y a un pilote qui fait une très bonne qualif et qui fait une erreur en course, le pilote qui remplaçait l'ancien pilote pas assez rapide et qui cassait des voitures, qui a cassé une voiture et n'a pas été assez rapide, l'ancien pilote a été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux et le patron a littéralement démenti un communiqué de presse de la propre équipe. Donc voilà, ça c'est le résumé global du week-end d'Alpine pour vous dire après quel point ça va bien à Enstone. Maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails puisqu'effectivement Pierre Gasly termine 13e, Franco Colapinto n'a pas terminé la course. J'ai aucun souvenir de ce qu'il a fait en course. Il a terminé la course, il a terminé. Ah, il a terminé, ça c'est moi qui fais une connerie. Hein. Ouais, il termine 17ème, c'est ça. Hein. Non, mais j'ai marqué DNF, mais en fait, non, c'est moi qui fais une erreur. Il termine la course. Il n'a pas terminé les qualifs, ça c'est sûr. Il n'a pas terminé la course. Non, autant pour moi, c'est moi qui fais une erreur. Et effectivement, donc, par contre, un gros accident en qualif avec une erreur assez évitable. À sa décharge, il découvrait la voiture ce week-end et c'était une des premières fois qu'il la mettait à la limite. Il est passé un petit peu au-delà de la limite et il a fait la même sortie que Hadjar la veille, sauf que lui, il a terminé le nez dans le mur. Donc bon, c'est pas de bol. Moi, je serais pas ultra violent avec Colapinto parce que ben il débarque sans avoir testé la voiture sur un circuit qui est pas le plus simple, où il faut beaucoup de confiance, où il faut beaucoup entreprendre les vibreurs. Mais voilà, je pense que ça, on va vite se rendre compte que Doohan n'était pas du tout le seul problème de l'équipe en tout cas. Il y avait une interview très intéressante de Colapinto qu'on avait sorti où il racontait toute sa carrière. Il disait, moi, là, j'ai jamais eu de budget, donc j'ai toujours dû faire mes preuves très, très vite, très, très fort, en attaquant donc d'emblée. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu chez Williams, où il a attaqué très vite, très fort, et il a fait vite forte impression. Et ensuite, ça s'est terminé en crash. Et je pense qu'on était un petit peu toujours sur la même problématique à Imola, c'est-à-dire j'essaie de faire une bonne impression très vite, très fort parce que j'ai que 5 courses, même si Briatore a dit le contraire, après avoir dit absolument l'inverse. voilà, donc il ne m'est pas mis dans ses meilleures dispositions en disant voilà, je veux claquer un chrono, je veux impressionner la concurrence, et il fait quand même une grossière erreur. Hein. Bon, c'est quand même une grosse erreur de le freiner dans l'herbe. Voilà, je pense que c'est. Moi, je remettrais quand même un peu la faute sur Briatore, parce que donc Briatore a dit que Colapinto a 5 courses pour faire ses preuves, puis après Briatore a dit, je ne sais pas qui a dit que Colapinto avait 5 courses pour faire ses preuves, mais c'est du bullshit. Voilà, encore une fois, comment mettre un pilote dans des bonnes dispositions. Est-ce que Colapinto va se finir la saison s'il accumule les crashs et s'il finit par coûter plus que ce que les sponsors argentins ne rapportent? Voilà, il y a Paul Aron hein, qui attend de débuter puis de finir sa carrière en F1. Donc c'est... Et encore une fois, cette Alpine-là, depuis qu'il y a eu les réglementations FIA sur les longs arrières qui s'est durci, elle a chuté en termes de performance pure. C'est quand même hyper décevant en termes de performance. C'est assez hyper décevant. Alors bien sûr, Gasly fait une Q3, mais de justesse, hein, il n'avait clairement pas un super potentiel, il fait une énorme qualif, et c'est aussi parce que les Ferrari étaient hors du coup. Mais bon, bah, peut-être qu'ils feront un grand coup à Monaco, j'en sais rien. Mais... pas trop grand le coup, parce que bon, ça peut faire mal, sinon. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu... Ouais, moi, je suis très sceptique sur tout ce qui se passe chez Alpine. La communication de Briatore est catastrophique. Hein. Je pense que c'est la Helmut Marko School of Management qu'il a fréquenté, mais... c'est vraiment un gros problème. Option finance, lui, hein, surtout. Voilà, et alors, j'allais dire, justement, moi, j'en ai marre de faire des paris de 20 balles, donc j'en ai déjà assez en cours, mais je ne veux pas en faire un de plus. Mais je ne serais pas étonné, dans un futur proche, qui est potentiellement cette année, de voir Sergio Pérez débarquer au sein de l'équipe. Parce que si ce qui a été sorti par le journal L'Informé... Comment ? Comme consultant... Pilote. Parce que si ce qui a été sorti par le journal L'Informé est vrai sur le fait que Flavio Briatore toucherait des bonus quand il signe des sponsors, j'aime vous dire que le fait qu'il ait sorti un de ses pilotes pour mettre un pilote payant et qu'ensuite il puisse avoir un autre pilote payant qui arrive, bah clairement le meilleur candidat pour avoir un bon pilote qui en plus soit payant, c'est Pérez. Donc moi je ne serais pas étonné de voir Pérez débarquer, et si ce n'est pas cette année... Je pense que ce sera l'an prochain. Et moi, je serai Pierre Gasly. Je commencerai un petit peu à réfléchir aux portes de sortie au cas où Briatore lui fasse à l'envers. Parce qu'à mon avis, pour l'instant, ils sont copains. Mais on sait que être copain avec Briatore, c'est généralement pas un gage de sécurité. Voilà pour ma petite pari sans en être. Oui, bon, je peux revenir sur la course de d'Alpine parce que c'est plus effectivement le côté extra-sportif qui malheureusement nous inquiète encore. Le coup des 5 courses de Briatore, pour moi, c'est clairement juste quelque chose en fait qui existe vraiment. Et c'est juste que les sponsors argentins de Colapinto ont payé pour 5 courses. En gros, il ne compte pas le faire rouler Colapinto que 5 courses, mais s'il voulait qu'il fasse plus, et qu'il le mérite. Il va juste falloir rallonger un petit peu le voilà, un petit peu rallonger de quelques billets un peu derrière. Pérez, lui, effectivement, c'est très surprenant, hein, mais bon, pourquoi pas. Hein, c'est ça serait une bonne recrue en termes sponsoring, en termes d'argent, mais en termes de performance par rapport à un Pierre Gasly, je suis désolé quoi. C'est pas ça. D'ailleurs, Flavio continue à faire les éloges de Pierre. Tant mieux, et Pierre continue à tenir un petit peu, soutenir un peu le discours de Flavio, mais je pense qu'il est plus contraint qu'autre chose. voilà. Honnêtement, c'est très difficile de se prédire, même à trois courses, ce qui va se passer dans cette équipe. Hein. Je serais bien incapable de vous dire qui sera dans la monoplace au Grand Prix de Grande-Bretagne. Si ça sera Colab Bintoncourt, ce sera Paul Aron. Si, oui, parce que Paul Aron, britannique, Grand Prix de Grande-Bretagne, tout ça. Vous, mais estonien, Aron. Ah, pardon. Mais non, il est pas britannique. Mais bon, après, c'est pas grave. Estonien, hein. Estonien. Oui, non. C'est le Grand Prix d'Estonie. Je pensais à Lindblad, je sais pas pourquoi. Du coup, ah oui, bah, tu penses aux pilotes qui peuvent rapidement gravir. Ouais, là, je sais pas pourquoi je dis ça. Non, pour moi, c'est clairement une question de pognon. Maintenant, on en est là. De toute façon, avec Briatore, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc voilà, et puis bah, quand même, la cerise sur le gâteau, quand même, c'est quand même que Flavio Briatore n'est pas aux responsabilités officiellement de l'équipe, oui. Selon la FIA. Tu l'as oublié, c'est quand même la plus grosse couleuvre qu'on nous ait fait avaler pendant un bout de temps, quand même. C'est incroyable. On débarque donc Oliver Hawkes, enfin on débarque où il démissionne vraiment pour des raisons personnelles, on ne sait pas trop, mais bon, vu qu'on l'a retrouvé directement dans le paddock de la F2 ce week-end, je pense que bon, il y a un petit doute sur le côté raisons personnelles qui nous empêcherait de gérer une équipe de F1, mais qui nous permettrait quand même de gérer une équipe de F2. Hein, voilà. Ça. Ceci dit, en passant. Ouais, donc Briatore qui ne peut pas être directeur d'équipe, enfin être en responsabilité en termes de, en tout cas en termes pour la FIA, puisqu'il n'a pas de licence F1, de licence FIA, donc il peut pas être directeur ou autre représentant de l'équipe tant qu'il n'a pas cette licence, parce qu'il a toujours eu un rôle de consultant. Bon, Alpine a essayé d'éteindre le feu en disant que mais ça a toujours été clair, voilà, bref, voilà. Et donc du coup c'est Dave Greenwood qui est nommé responsable auprès de l'équipe auprès de la FIA, mais ça fait vraiment pas sérieux, parce que du coup quand vous faites sortir un communiqué de presse comme quoi c'est Flavio qui prend la direction de l'équipe par intérim, ça c'est voilà, ça fait vraiment tâche. Ils ont toujours pas un bon service juridique. Non. Après le problème c'est qu'on ne sait pas du tout, et ça il faudrait même dans les petits papiers de la FIA, si est-ce que Briatore, même s'il a été entre guillemets blanchi après son affaire du crash gate de 2008, est-ce qu'il est quand même interdit toujours sur son casier FIA d'avoir une licence F1? Peut-être que ça traîne toujours dans les bureaux. Ses peines avaient été passées de définitif à 5 ans. Donc voilà, donc qu'est-ce qui l'empêcherait d'avoir une licence F1? C'est la question. Moi je me demande si c'est pas une question que s'il avait une licence F1, il pourrait pas être jouer autant du conflit d'intérêt comme il le fait actuellement, en fait, tout simplement. Et il ne pourrait pas empocher de bonus par rapport aux sponsors, parce qu'il rentrerait peut-être dans le plafond budgétaire aussi. Donc pour moi c'est un truc dans ce genre là, c'est que aujourd'hui je pense qu'il est là pour clairement du profit personnel, et à mon avis s'il a une licence, il pourra plus autant jouer de ces voilà, je suis manager d'un pilote que je place, je le sors pour mettre un autre pilote, je touche un bonus machin. Actuellement il est en train de gérer uniquement, il fait partie de Monopoly tout seul en fait, et c'est un petit peu le souci, et ça il pourrait plus le faire s'il a la licence à mon avis, mais le fait est que chez Et Briatore en plus a donc quand même, parce que il a pas le titre officiel, mais il a pas le titre auprès de la fédération, il a le titre officiellement par rapport à l'équipe. Et donc c'est lui qui fait les communications, parce que vous savez que les réactions des équipes se font par des communiqués de presse où on a les réactions des deux pilotes et du patron ou des patrons. Certaines équipes, par exemple comme Mercedes, mettent Toto Wolff en général, là c'était Bradley Lance Weekend, plus le directeur de l'ingénierie. Voilà, certaines équipes choisissent de mettre des réactions techniques. Chez Alpine, normalement, c'est les deux pilotes et le team principal. Et là, c'est donc les deux pilotes et Briatore, qui, en plus de ça, a dit qu'il était très content d'aller à Monaco pour disputer une de, je cite, mes courses à domicile. Donc, pas d'équipe, pas de quoi que ce soit. Chez Flavio, c'est lui. Et voilà, c'est moi seul, et, enfin, moi et moi-même. Quoi. Oui, et on a hâte du communiqué pour Singapour. Comme on est sur la même ligne que Flavio dans le chat, il y a quelqu'un qui a payé pour mettre un message en avant. Donc je te laisse y répondre. C'est bloqué pour la saisie des voitures de F2. Oui, par rapport à, je sais que non, je crois pas qu'il y ait eu de risque de saisie. Il y avait des histoires avec avec Hightech, mais de toute façon le, ils avaient, il y a pas eu les, comment dire, ils avaient plus les logos, mais ça n'avait rien à voir avec les affaires du frère Hawks a priori. C'était déjà prévu que le logo change et qu'elles soient à Imola sans les logos et que en fait le visuel évolue pour Monaco ou l'Espagne, je crois. Donc a priori ça n'avait rien à voir, mais voilà. Donc en tout cas peut-être que Hawks s'est retiré d'Alpine pour pas les faire baigner là-dedans si jamais il finissait par être rattrapé par le truc, on va dire. C'est possible aussi. On n'est pas en train de dire qu'il a pas du tout de soucis personnels, mais c'est vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu original quoi, comme façon de. Oui, on l'imaginait en fuite à Dubaï. Ouais, c'est ça. Puis au final, il était à Imola une semaine plus tard. Donc voilà, c'est Alpine en 2025. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Il a été personnellement viré par Flavio, c'est ça la raison personnelle. Mais non, parce qu'il a dit que c'était comme son papa, donc moi je pense que son papa il l'aurait pas viré. Et Ah bah des fois les papas, si ça met les gens si dehors. C'est Joss, hein. Si c'est Joss, si c'est Joss Briator, oui. Bah, c'est ça, et on le voit avec Laurent Stroll par exemple. Ah oui, là c'est un bon papa. Exactement. Ah, oui. Mais et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'avantage c'est que si jamais ils prennent Polaron par exemple de Silverstone jusqu'à Monza, mais que ça ne fonctionne pas pour lui non plus, et ben ils pourront rappeler Nelson Piquet pour Singapour. Et là, ce serait intéressant. Parce que là, du coup, stratégiquement, ça ouvrirait des possibilités à Alpine. Ah oui, oui. Et le communiqué dirait on va faire jouer l'expérience pour la fin de la saison. Non, je ne suis pas d'accord. Non. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, Manu, parce que tu oublies Kushmaini. Ah oui. Ah oui. Qui est l'autre réserviste d'Alpine qui a remplacé Ryo Hirakawa. Qui pourrait donc sa piste de bras. Je suis désolé, Kushmaini, c'est celui qui est en pole position. Et il faut rappeler qu'il a quand même une belle carrière, puisqu'il fait quand même 13e et 11e lors de ces deux saisons de Formule 2. Ouais. Bon, après, vous voulez dire Antonelli aussi. Tu manies l'ironie avec un bel art. Mais oh, il a pas un palmarès dégueulasse. Hein, mais non, il a une bonne pointe de vitesse, Kushmaini. C'est vrai que la Formule 2, on fera pas d'émission dessus, mais la Formule 2 n'est plus vraiment le baromètre qu'elle était à une époque pour diverses raisons. Mais c'est lui théoriquement le successeur de Polaron. C'est quand même fort parce qu'ils ont prévu le coup d'avoir 4 pilotes. Le règlement l'autorise, ils peuvent avoir jusqu'à 4 pilotes dans la deuxième voiture, donc ils ont le temps, hein, ils ont de la marge, ils peuvent après à 5 courses par pilote, ce sera un peu short pour finir la saison avec les deux voitures, mais au pire ils pourront revenir à Jack Doohan en fin de saison si besoin, histoire de boucler la boucle. 4 pilotes, c'est ça la limite? Je crois, ouais, c'est 2 pilotes dans la voiture principale et 4 dans la deuxième, de mémoire. Ah bon? D'accord. Ouais, et je crois que. Déjà avoir trop d'accidents. Ouais, ou de pas. Faut pas avoir trop de Helmut Marko dans l'équipe non plus, parce que ça peut vite changer après. Mais. Non, ouais, je crois que c'est deux. Et après, bon, il y a des dérogations si c'est juste une inversion, parce que par exemple, je crois qu'un Lawson. Je sais plus dans quelle équipe. Il y avait Lawson, je crois que c'était Lawson qui avait remplacé plusieurs fois pilote, et en fait il était arrivé dans les deux baquets techniquement, et là il avait compté comme un seul remplacement, je crois. Mais bon, voilà, en tout cas ils ont de la marge s'ils veulent remplacer encore d'autres pilotes. Mais bon, il y a Mick Schumacher, oui, c'est vrai qu'on dit qu'il cherche un baquet. Mick Schumacher chez Alecom et chez Alpine, hein. Il est en WEC, mais comme Flavio était un grand ami de Michael, peut-être que. Mais non. C'est pas un cadeau. Et Alpine d'ailleurs, qui, quand elle n'est pas gérée par Alpine, fait des podiums, hein, puisque c'est Signatec qui gère Alpine en WEC et ça fait des podiums. Donc, quoi, finalement, c'est peut-être le problème, vient peut-être d'Enstone, comme on le dit régulièrement. Après, s'ils font un bon résultat à Monaco, ils pourront dire, regardez le moteur, tout ça. Ah bah oui, mais de toute façon, tant qu'ils pourront, leur narratif, ils vont essayer de s'y raccrocher jusqu'à la fin, mais bon, là, au final, ça commence à. Enfin, c'est quand même un petit peu compliqué. Parce qu'en plus, s'ils font pas un bon week-end à Monaco, pour le coup, ça montrera que le moteur n'y est pour rien. Ce qui, pour moi, est le cas. Et on va finir l'émission, puisque c'est la 10e équipe que nous allons voir par As. Alors, avec la 17e place d'Oliver Mann et l'abandon d'Esteban Ocon. L'équipe garde la 6e place au championnat. Il n'y a absolument pas péril dans la demeure. Néanmoins, le week-end a été très compliqué pour l'équipe. Des commentaires assez énigmatiques, mais plutôt négatifs d'Esteban Ocon, qui disait il y a des problèmes qui ne devraient pas arriver. Donc voilà, il était assez remonté. Et puis globalement, un manque de performance assez, assez effarant du côté de. Alors, moi, je dissocierais quand même entre Berman et Ocon. Oui, pareil. Berman fait un bien meilleur week-end qu'Ocon, parce qu'il faut se rappeler qu'il est. Bon, il y a son élimination un peu surprise en Q1. Enfin, controversée. Oui, il faisait un tour qui était juste bon par la 15e place, mais il y a eu le drapeau rouge et finalement son temps a été enlevé. Et en course, il a fait un très bon, je crois, premier relais, ce qui faisait, il est parti en dur. Et donc, il était plutôt bien placé dans le peloton. Donc, c'était un meilleur week-end pour Berman. Et ensuite, il n'a pas eu de chance en fin de course avec les circonstances. Et par contre, pour Ocon, c'est un peu bizarre parce que c'est, bah, rien n'a fonctionné. Rien n'a fonctionné et finalement, qu'il a abandonné en début de course, j'ai envie de dire, je vais pas dire que c'était un soulagement, mais c'était vraiment un week-end où il n'y a rien qui a fonctionné, on essaie de rien du tout. Ça fait partie de ces week-ends inconstants sur la Haas. Je pense que c'est voilà, c'est pas une équipe qui, comme Williams, pourrait régulièrement jouer les points, mais Haas vit encore avec ses 14 points marqués à Shanghai dans la superbe 5e place d'Ocon, ce qui leur permet d'être encore 6e. Hein. Mine de rien, mais ça reste une équipe. Voilà, bah, il faudra qu'ils seront au rendez-vous lorsqu'ils auront la voiture pour marquer les points. Bon, voilà, ils n'avaient pas trop la voiture, donc c'est pas trop grave, effectivement. Mais c'est quand même des pics de performance assez parfois extrêmes chez As. C'est vrai que c'est un peu l'avantage, on peut au moins leur compter sur eux, on l'a vu pour dès qu'il y a des points en jeu, ils arrivent à aller les chercher, donc ça c'est quand même ce qui est rassurant du côté de l'équipe. Toi Franck, est-ce que tu penses qu'il y a un souci ou est-ce que c'est pareil, tu penses que c'est pas non plus une trop grave pour la suite de la saison? Honnêtement, c'est un mystère pour moi parce que la voiture c'était. Voilà, on parle des oscillations aérodynamiques apparaît après Melbourne et d'un coup c'était revenu beaucoup mieux et c'est de nouveau vraiment une catastrophe. Est-ce que c'est de ça dont les soucis, voilà, les soucis dont parlait Esteban après la course? Mais dans ce cas-là, Oliver Berman aurait été aussi en souffrance par rapport à ça. J'ai, comme Alex, la même question, moi qui me taraude plus. Plus que les performances de l'As, c'est pourquoi il y a une telle différence entre Berman et Ocon, quoi. Et si ça continue comme ça, bah, je donne pas cher de la peau d'Esteban sur le long terme. Hein. C'est C'est quand pas, moi j'ai même. pas dit que c'était. Non, moi j'ai dit que c'est pas tous les Grands Prix loin de là. Hein. Non, il y a quand même, c'est quand même un Grand Prix sur deux quasiment où il est devant. Hein. Oui, mais ça, voilà, ça commence à être un peu inquiétant, je trouve, en termes de. Même aussi en termes de morale, quoi. On sent que il est très posé, très calme dans sa voix. Et on sent que c'est. Voilà. Il prend sur lui. Je déroule le discours voilà, sans trop monter le ton, sans trop le baisser non plus. Voilà, et je déroule pour l'instant et je fais un peu le, voilà, le pilote expérimenté de l'équipe qui, voilà, qui veut être voilà, fort et paraître fort en tout cas devant les médias en disant voilà, qu'il y a un souci et qu'il va falloir le résoudre. Maintenant, c'est peut-être pas à lui d'expliquer, c'est peut-être plutôt à Komatsu de le dire. Et le problème, c'est que Komatsu, dans son communiqué de fin de course, il parle pas spécifiquement de problèmes particuliers de performance sur la voiture. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu, parce que c'est comme un des directeurs d'équipe technique qui est le plus franc en général sur le sujet. Et ce week-end, il n'a absolument pas parlé de problèmes voilà, d'oscillation aérodynamique ou quoi que ce soit sur la voiture. Donc je suis un peu circonspect par rapport aux déclarations d'Esteban en fin de course. Moi, je pense aussi qu'il y a quand même une volonté chez Haas de relativiser ce qui se passe cette saison, parce qu'ils sont quand même un peu dans une phase de transition. Ils ont un tout nouveau duo de pilotes, ils préparent 2026. Komatsu n'en est qu'à sa deuxième saison à la tête de l'équipe, et je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on sent finalement qu'il n'y a pas grand-chose qui les atteint. Quand ça se passe bien, ils sont très contents. Quand ça se passe mal, ils sont pas si mécontents que ça. Et j'ai l'impression que, avec les 14 points marqués déjà, en se disant que bah, potentiellement sur les 17 courses qui restent, il y aura sûrement une ou deux occasions d'en remarquer d'autres, finalement ils ont déjà plus ou moins réussi leur saison, dans le sens où voilà, au pire, ben, ils termineront peut-être 8e du championnat, 9e, et puis au pire, sinon, bah, ce sera, ils pourront rester 7e, quoi. Donc, parce que je pense qu'Aston, si le rythme, enfin, si ça se confirme, va le repasser devant. Mais après, pour le reste, c'est pas, je vois pas Racing Bulls ou Sauber ou Alpine, elle est vraiment beaucoup mieux que Haas sur l'ensemble de la saison, quoi. Donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi où ils sont un petit peu plus tranquilles, on va dire. Mais bon, c'est vrai que c'était un petit peu triste de les voir aussi autant en difficulté à Imola. Donc après, voilà, on sait que là, on attaque un triplé de course. De toute façon, comme on vous l'a dit, pour toutes les courses, pour toutes les équipes, ça va être très différent le week-end qui vient, parce que c'est Monaco. Donc Monaco, ça va être, tout va se jouer, ou presque samedi, sauf s'il pleut le dimanche, mais tout risque de jouer samedi, mais ça va être très, très, très disputé. On sait que historiquement, les écarts sont très serrés à Monaco. Et dans une équipe, ça va être une super qualif. Ouais, la qualif promet d'être très disputée, très intense. Les pilotes vont pas avoir le moyen de garder sous le pied, donc il y aura potentiellement des erreurs, potentiellement préparer du café, parce que la qualif risque d'être un peu longue. Mais en tout cas, ça sera un très très beau week-end. Et on aura ensuite le Grand Prix d'Espagne, qui traditionnellement fait pas des super courses, mais qui sera intéressant parce que justement, on aura enfin une espèce de bilan un peu plus clair de là où en sont les équipes avec toutes ces évolutions amenées à Imola. Ça, c'est ça qui est intéressant. Pour répondre à Sobriety Delicate, absolument, il y a la règle du double arrêt obligatoire à Monaco. Les équipes devront en faire deux par voiture, toujours avec l'obligation d'utiliser deux composés pneumatiques. Donc, ça promet une course d'attaque aussi. Ça va peut-être aider à ce que les pilotes soient encore plus à l'attaque que d'habitude. Et finalement, ce sera peut-être pas une mauvaise chose. Reste à voir ce fameux pneu C6 qui a été un fiasco. Enfin, en tout cas, qui a été pas loin du fiasco à Imola, et qu'on espère voir un peu plus en forme. Malheureusement, on a toujours cette règle du drapeau rouge, qui est pas impossible à Monaco aussi, qui permet de changer de pneu gratuitement. Ouais. Règle qu'on a toujours jamais supprimée, qui risque encore de nous énerver peut-être. Oui. Dimanche. Je le souhaite pas, mais bon. Règle qu'on déplore depuis maintenant une dizaine d'années, hein, et à chaque fois qu'elle joue sur une course, on s'en énerve, mais bon, c'est comme ça. Et non, Harry Portier, même s'il pleut, non, effectivement, s'il pleut, règle saute, mais de toute façon, s'il pleut, on aura du spectacle, donc quoi qu'il arrive. Voilà, en fait, le but de cette règle, c'est de mettre du spectacle. S'il pleut, la question se pose pas. Monaco sous la pluie, on se rappelle en 2023 notamment, ou même en 2022, c'est toujours spectaculaire, donc évidemment, c'est quand même à ne pas rater, et quoi qu'il arrive, même si la course est un petit peu soporifique, ça reste une course de pilotage, ça reste impressionnant, et ça reste un week-end qu'on est très content de suivre. C'est surtout le samedi qu'il faut suivre, les amis. Voilà. Et globalement, c'est vrai que c'est un des rares circuits où les essais libres sont intéressants aussi, parce que tout peut arriver. On voit les pilotes qui sont quand même déjà en train de jongler avec les limites dès le vendredi, donc ça, c'est quand même intéressant. Ça roule pas vraiment sous la pluie aussi à Monaco. Regarde le déluge de 2022 et regarde sous quoi ils ont roulé, et même 2023, tu verras que ça roule très très bien sous la pluie. Vos pronos pour Monaco. Déjà, on va revenir à temps, parce que avant de faire des pronos pour Monaco, sur Bat Indicate, nous allons parler des pronos. Et j'en vois un qui sourit, des pronos. Moi aussi, je peux sourire. Moi aussi, parce que moi aussi, j'ai. Alors oui, c'est vrai, finalement, il n'y a que moi qui ne peux pas sourire. Je vais commencer par le mien, puisque comme ça, je suis le grand perdant de ce Imola. J'avais prévu Norris, Piastri, Russell. Donc, effectivement, très très bien joué de ma part de ne pas avoir du tout mis Verstappen sur le podium. Donc j'ai deux pilotes mal placés. Franck avait prévu un Piastri, Norris, Verstappen. Donc toi, tu as, comme tu nous l'as bien dit aujourd'hui, tu as l'ordre d'entrée sur le podium des pilotes. Tu as les trois pilotes, mais dans l'ordre inverse. Un bien placé, deux mal placés. Et Alexandre, bravo à toi, puisque tu lui avais prévu une victoire de Verstappen avec une deuxième place de Norris, une troisième de Piastri. En nous marquant en dessous, ça ne dépasse pas à Imola. Et c'est vrai que factuellement... Si t'as dépassé, au premier tour. Voilà, exactement. Donc bien joué à toi, parce que tu avais le top podium. Bravo, tu n'as pas gagné grand-chose, mais... je vous garantis qu'il n'a pas le top podium pour Monaco, alors c'est moi qui mets 20 balles, là. Alors effectivement, parce que du coup, nos pronos pour Monaco... tu disais la même chose pour Verstappen, hein. C'est vrai. Moi, j'ai parié Piastri, Norris, Leclerc. Je pense que les McLaren vont être très fortes. Et je pense quand même que Leclerc sera bien à domicile, que la Ferrari sera un peu mieux. Franck a parié Piastri, Verstappen, Leclerc. Donc toi, tu vois une défaite de Norris, essentiellement. Ouais, moi, je vois surtout que Piastri était hyper bon l'année dernière et que la McLaren n'était pas à ce niveau-là. Donc je dis que Piastri, cette année, va être bien. Ouais. Et Alex a parié Russell, Piastri, Norris. Et là, j'avoue que c'est... Voilà. C'est osé. Camoulox. Écoute, en même temps, c'est Monaco, alors pourquoi pas. C'est osé. Russell finit pas très loin en qualif. Hein. Oui. Je veux dire, s'il fait une très bonne qualif et il part premier, bah, il y a une chance qu'il gagne la course. Mais exactement. Il ne faut pas oublier qu'en 2023, même avec la pluie, Alonso et Ocon partent 2 et 3 et finissent 2 et 3. Donc, Je suis d'accord avec toi. Si ma mère en avait, elle a parié mon père. Hein, je suis aussi d'accord avec toi. Non, mais moi, je suis... Non, mais c'est vrai que Monaco, c'est une fille de... C'est improbable, mais c'est pas impossible. Voilà. Voilà. Et comme il vaut mieux parier, il n'y a pas de gloire à faire Piastri vainqueur. Ouais, alors je te rappelle qu'en termes de risque sur les pronos, avec tous mes pronos Ferrari pendant 5 ou 6 courses au début de la saison, j'étais quand même pas mal. Hein. C'est vrai qu'Alex avait parié un podium Ocon, Bottas, Joe et Interlagos 2024, donc forcément, là-dessus on ne prendra jamais autant de risques. Xoans, pareil, un podium de Gasly, et effectivement, c'est pas impossible. Non. Après, tout peut arriver à Monaco. Hein. Exactement. Oui, surtout s'il flotte. Hein. Et James Smith dit bravo Alex pour ton pronostic parfait d'Imola, tu as gagné une boîte de jeux Next Gen Auto. Oh, un bouquin de Manu. Un bouquin de Manu. Oh, bah, si Manu. Tu veux, écoute avec plaisir. Déjà, je crois. Bah, mais tu n'as pas tous. Mais. Non, mais on pourrait faire un jeu Next Gen Auto. Avec les 100 meilleurs pronos d'Alex. Oh, pour l'instant, ah, c'est mon prochain livre. Pour l'instant, il prévoit de la pluie pour la qualif et du beau temps pour la course. Ouh. Ah, super. Il n'a plus le vendredi aussi d'ailleurs. Ah, ça peut être pas mal ça. Alors ça c'est pareil, s'il n'y a pas de test des pneus C6 et qu'ils doivent les utiliser en course. Alors là, du coup la Pinto. Mais bon, c'est un peu loin pour la piste. C'est le bord de mer, hein. ça change beaucoup très vite. Oui, ça va très vite. Ouais. On se rappelle de 2022 où c'était un peu n'importe quoi. C'est un circuit de pilote d'IA et Portier, il pronostique Alonso Antonelli Hadjar. Hadjar, Ocon, Gasly pour Good Car qui. Ah oui, bah oui, alors là oui. Là, je pense qu'on fait. On fait des filles sur les Champs-Élysées. Bleu, blanc, rouge. Ouais, ouais, c'est des filles sur les Champs-Élysées là, je pense. Ah, et là, c'est. Sombrette et Delicate demande qui va mettre sa voiture dans le rail. Ou bof. Aïe, aïe, aïe. Jack Doohan. Ah non, pardon, il pue. Ah, Colapinto. Colapinto, je la vois forcément. Pinto, ouais. Ah, il y a un potentiel. Et Tsunoda. Stroll, parce que. Et Tsunoda. Et peut-être. Et pourquoi pas Verstappen? En 2018, il la met trois fois. Bon, c'était il y a longtemps. Potentiellement, tout le monde peut la mettre parce que. Tout le monde peut la mettre, oui. Oui. Mais attention, Norris est très en souffrance sur les tours de Q3. Il va prendre beaucoup plus de risques. Donc attention à Norris. Ouais. Attention à Norris. Il y aura GMK sur le podium à Monaco. Du moment qu'il vient pas qu'une de ses voitures, ce sera déjà visuellement un peu moins difficile. Il y aura le prince, ça c'est sûr. Citroën pareil Hulk dans le rail. Oui, bah après. Ouais. Non mais effectivement, faut oublier que c'est une édition de Monaco qui va se faire avec quand même 6 pilotes qui disputent leur première saison complète en F1, et ça c'est aussi quelque chose qui peut jouer, même s'ils sont excellents et qu'ils font pas trop d'erreurs au global. Et que voilà, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut jouer sur un week-end assez chargé. Et la question, c'est est-ce que les deux arrêts vont changer quelque chose ou pas? Je suis un peu sceptique, je vous avoue. Je suis pas convaincu qu'on ait. Non, c'est que. Ouais, on verra. Bon, pourquoi pas, hein. Ouais, non, mais. Après, ça peut aider les pilotes à attaquer notamment en pneu médium, voire à faire un relais court en pneu soft. Mm. Si jamais c'est voilà, c'est mais bon, j'ai quand même du mal à imaginer que ça va totalement changer la donne. En tout cas, vous pourrez suivre évidemment l'actualité jusqu'à mercredi soir, l'actualité classique, on va dire, de la Formule 1 sur Next Gen Auto. Jeudi, on se retrouve comme d'habitude pour la journée média. Vous vous rappelez, depuis quelques années, le jeudi n'est plus la journée des essais à Monaco, mais c'est une journée média classique avec un week-end qui commence sur la piste le vendredi. Pourquoi on met pas Max vainqueur à Monte Carlo? Il est incroyable à Monte Carlo. Bah, clairement, c'est sa Red Bull, hein, qui l'an dernier, c'était pas terrible. Max l'a dit, hein, les virages à basse vitesse, c'est la faiblesse de Red Bull. Donc, ils ont toujours des suspensions qui sont pas idéales pour un circuit comme ça. Et je pense que ça va pas faire. Alors, il sera pas mal, mais à mon avis, il sera top 5. Il peut toujours faire des miracles, c'est sûr aussi. C'est ça. Bubble Boy, on réfugie à 23h. Et non, pas tous les week-ends, on enchaîne pour 3 émissions, donc on s'économise un peu, parce qu'on a quand même des week-ends depuis. Des fois, on vous avoue que le lundi soir, on est un peu cramé aussi. Déjà 2 heures sur une émission, quasiment 2 heures. Sur le Grand Prix, il n'y a pas eu énormément de choses à dire. C'est ça. C'est quand même pas mal. Bon, moi, juste une question, c'est qui de Andrea Stella ou de Christian Horner ira saboter les grues de Monaco pour éviter qu'on voit des fonds plats en cas de crash. C'est vrai que là-bas c'est toujours la double peine, c'est que quand une voiture finit dans le rail, derrière, on peut la décortiquer techniquement. Et donc voilà, jeudi, vous pourrez suivre la journée média avec nous, évidemment, comme d'habitude, qui commencera à partir de 14h30. On vous fera tout le verbatim ou presse de ce qui s'est dit sur la journée. Et vendredi, vous aurez les essais libres à 13h30 jusqu'à 14h30 et à 17h jusqu'à 18h. Les essais libres 3 samedi à 12h30, les qualifs à 16h samedi et la course à 15h dimanche. Rappelez-vous que c'est un gros dimanche de sport mécanique puisqu'il y a F3, F2, F1 à Monaco, il y a les 500 miles d'Indianapolis et pour les plus fous de sport auto américain, il y a le Coca 600 en NASCAR avec notamment le doublé de Kyle Larson qui fera Indy 500 plus Coca 600 dans la soirée. Voilà. Et j'en dis aussi c'est le Pepsi et Carrefour Repair pour histoire de citer trois marques. Et c'est le. Et c'est le. Et il y a. Et il y a aussi le, Il y a aussi le Grand Prix de moto de Grande-Bretagne, donc autant dire que ça sera une bonne fête des mères. C'est ça. C'est vrai que ça va être clairement... ça va être clairement... Non, manque que le MotoGP, même pas, ça va être une étiquette. Hein. Ils sont à Silverstone. Non, il y a Silverstone. Donc ça va être effectivement... Vous pouvez techniquement, je pense, enchaîner 8 heures de course, quelque chose comme ça, sans vous arrêter, juste à part pour manger un petit peu, parce que quand même, pensez à vous hydrater aussi. Moins de gâteau. Et pour souhaiter bonne fête. Voilà, c'est ça. Et puis dans tous les cas, voilà, donc en tout cas, ça sera à suivre sur NextGen Auto, évidemment, hein, comme toujours. On vous fera un débrief complet. Lundi prochain, on se retrouvera à 20h30 pour Grand Prix, pour débriefer ce week-end. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Merci Alex, merci Franck. Et ciao, puis, merci à toi. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Ciao.